Radio Resto, 48 heures, non-stop. Eh ben soyez les bienvenus, il est midi et 2 minutes et c'est Radio Resto et nous sommes là depuis hier 20h jusqu'à dimanche 20h et nous allons passer 2 heures avec celui avec lequel je suis content d'être là puisque nous n'arrivons pas à caler un déjeuner depuis un an maintenant, depuis le dernier Radio Resto et enfin on peut se voir maintenant. Eh ben écoute, ça me fait plaisir, vous savez que Manu est mon fils et chaque année il me sort de l'EHPAD pour venir faire Radio Resto et je suis heureux et content et ça me fait plaisir. On est dans un magnifique studio. Le studio est magnifique. C'est plus beau que dans nos radios. Ah ouais. J'ai jamais vu un studio si joli. C'est grand, c'est luxueux. Et c'est aux couleurs des restos du cœur, ce joli rose. Ils sont malins quand même. Ah ils oui, sont dit, pourquoi très pas fort. Très très fort. Alors pendant 2 heures, Arthur est là, je suis là, je m'appelle Manu. On a fait de la radio ensemble pendant tellement de temps et maintenant on se revoit tous les ans. C'est vrai un peu, on ressort les vieux du placard et c'est toujours un bonheur. Et alors il y a des surprises, mais sauf que je les connais pas moi-même. C'est-à-dire que j'ai préparé des trucs. En gros, l'idée, c'était de faire 2 heures avec des grands jeux, comme tu fais vendredi, tout est permis. D'accord. Et que tu fais jouer tout le monde, et que nous, en radio, on a fait tellement de jeux, je me suis dit, bon, c'est toi qui vas jouer pendant 2 heures. Très bien. Et il y a des gens qui peuvent venir aussi, mais je ne sais pas qui. C'est Laurent Petit-Guillaume qui est, le rappelle, le créateur de Radio Resto depuis 5 ans maintenant. Par contre, si vous avez prévu Nasrallah, il n'est pas joignable ce matin. C'est noté. Vous pouvez nous appeler. On a un numéro de téléphone. C'est le 01 850 90 600. Je vous le redonne, 01 850 90 600. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour venir avec nous où vous allez pouvoir jouer. Et on est là pour les Restos du Cœur et pour cette 5e saison. Pendant les 4 premières saisons, on a fait ça pour que les Restos du Cœur puissent acheter des camions, parce que c'était important d'avoir des camions. Cette année, c'est autre chose, on est pour la petite enfance. Ouais. Et moi-même j'ai été voir un centre qui s'appelle les centres bébés resto, qui sont pour les bébés, qui sont pour les mamans, les papas, les parents qui peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ils fabriquent, enfin ils offrent ce qu'on appelle des kits bébés. C'est-à-dire qu'il y a des couches, il y a du lait, il y a des petits pots. Et le but, c'est d'en avoir un maximum pendant 48 heures. Aujourd'hui, on en est à 131 485 euros. Alors, comment on fait pour donner de l'argent ? On va sur radio.restoducœur.org. D'accord. Vous pouvez donner. Il y a aussi l'application Radio Resto. Vous pouvez la télécharger pour Android, pour iOS. Vous n'hésitez pas. Et vous pouvez faire votre don, il n'y a aucun souci. D'accord, donc ça c'est très important. Et vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup. Vous donnez ce que vous pouvez. Le plus important, c'est de donner. Et vous avez une réduction d'impôts. Si vous payez les impôts, sachez que, par exemple, pour 100 euros, vous ne payez que 25 euros. Parce qu'il y a une réduction d'impôts. Exactement. C'est grâce à la... Pour 10 euros, vous ne payez que 2,50 euros. Et 75% de réduction, je ne sais plus ce que ça fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose, 2,50 euros. Pour 1 euro, 25 centimes. Est-ce que c'est l'âge ou le fait qu'il y ait cette musique en permanence quand on parle, ça perturbe? C'est possible que ce soit ton âge. D'accord. C'est possible que ce soit tes oreilles. Je suis passé à un certain âge où j'aime bien le calme. Tout va bien. Bah, pas pour Nasrallah, mais pour nous, tout va très bien. On va avoir des invités pendant ces 2 heures. Vous avez envie de venir avec nous, vous nous appelez. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. On s'écoute les enfoirés et juste après on vous prend au téléphone, on commence à jouer. Ah, on sait pas ce qui se passe. Et on aura des surprises. Alors des surprises là, qui vont arriver dans le studio. On m'a dit des vieilles surprises. Donc il y a peut-être encore des vieux, encore plus vieux que nous qui vont arriver. C'est pas sympa pour les filles qui vont rentrer dans le studio de vous appeler les vieilles surprises. Hein. Les enfoirés sur non pardon putain, c'est sur 24. C'est l'habitude. T'as dit quoi? T'allais dire quoi sur énergie? Mais non, on est sur Radio Resto. C'est Radio Resto. Et on est avec Arthur jusqu'à 14h. Je peux jouer où vous êtes. Eh ben, bienvenue, c'est Radio Resto, 48 heures de radio éphémère, 48 heures de radio qui ne pourrait pas exister dans la vraie vie, en fait, parce qu'on est un peu hors de la vie pendant 48 heures. C'est plus de 50 animateurs radio qui vont se succéder, qui créent des émissions éphémères, qui créent des émissions qui ne pourraient pas exister normalement puisqu'ils sont sur des radios concurrentes. Et c'est pour les Restos du Cœur. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons. Ça se passe sur radio.restoducœur.org, sur l'application Radio Resto. Je vais rafraîchir les dons depuis hier, 20 heures. On en est à 132 000 euros collectés. Et en fait, il y a des paliers de 50 000 euros. D'accord. Il faut savoir que 50 000 euros, c'est 100 bébés qui sont accompagnés pendant un an. Ah, c'est beau. Donc, ça veut dire que là, on en est déjà à quasiment 150 bébés qui sont accompagnés pendant un an grâce à vous et grâce à vos dons. Non, non, tu étais nul en maths. C'est 130 alors qu'il est. 100... J'arrondissais. Putain, Arthur, il me fera chier jusqu'à la fin de monde. Jusqu'à, mais même au moment de mes obsèques, quand tu seras en train de regarder ma tombe, il y aura une vanne qui sera sortie pour toi. Il y aura ta main qui se lèvera de façon automatique. Non, oui, Manu. Avec un doigt, oui, bien sûr. Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Bah, tu ne changes pas, c'est fou. Hein, tu n'as pas changé. Alors, quelle est ta routine beauté? Et alors, écoute, c'est un skincare. C'est vraiment, c'est le plus important pour moi, c'est de la crème. La crème, le matin, le midi, le soir, je mets de la crème. Et je sais pas comment tu fais toutes ces années à te lever à 4 heures du matin, t'es mon idole. Mon idole. Je te jure, t'es mon idole. Mais moi-même, je suis ma propre idole. Des fois, je m'embrasse. Alors, il va y avoir des surprises pendant ces deux heures. C'est Laurent Petit-Guillaume qui est le créateur de Radio Resto, qui va nous faire venir des gens dans le studio. On sait pas trop. Moi, j'ai préparé des jeux. D'accord. Des petits jeux. Comme tu fais toi des jeux avant vendredi, tout est permis. En radio, on a fait milliards de jeux. Il y a plein de jeux. Un truc classique de radio, on peut démarrer par un petit blind test. On pourra en faire plusieurs. Blind test, je suis très fort en blind test. Alors, ce ne sont que des chansons ou des génériques, par exemple, ouais, qui vont te rappeler quelque chose. Dès le premier, tu vas sourire. Ouais. Ça, c'est Exciting a New Love Boat. Love Boat, la croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Qui n'a pas aimé cette chanson de la croisière? Les gens de moins de 40 ans. Exciting a New Come on board. Ah, t'es pile dans le thème. Putain, ton truc, c'est la chanson. Come on board. We're expecting you. La croisière s'amuse. Eh oui, j'ai toujours aimé ça. Qu'est-ce qu'on l'a diffusée à la radio, cette chanson? Ouais, je pense qu'elle était plus diffusée à la radio avec nous que à la télé. Que le gars, il s'est acheté une villa avec les droits SACEM de la diffusion. C'était une vieille série et on l'a passée à la radio sans arrêt à l'époque. Oh là là là là là. Alors attention, maintenant, c'est plus un générique. C'est une chanson. Bien sûr, oh Black Belly, Ram Jam. Ram Jam Black Belly. Ah, ça, c'était, je me rappelle, au début des années 90. Exactement. C'était pas du tout le format de la radio. Et t'étais arrivé et t'avais dit, écoutez, j'ai un titre à vous faire découvrir. J'avais adoré cette chanson, mais c'était une radio un peu dance. Et pourtant, on l'avait passée. Eh ouais. Eh ouais, c'est ce qui fait. On a toujours été des rebelles. Hein. Et j'ai toujours aimé le rock, moi. Alors, Ram Jam Black Betty. À un moment, il chante. Attends, il va faire. Oh Black Belly. Normalement. Allez voir. On calait les intros à l'époque. Heures. Allez. Bam, oh Black Betty. Tu sais que je peux te donner une idée de jeu que je rêve de faire à la radio, que tu pourrais faire dans ton émission le Vas-y. Matin. Ça s'appelle Beat Shazam. Ah, on l'a fait. Tu l'as fait? Ouais, tu l'as fait plus rapide que Shazam. Que Shazam. Ok, bon bah c'était pas une bonne idée alors. C'était une bonne idée, mais de 1992. Oh, arrête un peu. Pardon. Ensuite. Alors attention, une autre. Ah, attends, je pense que... Ah, t'as fait un mashup hein. Non, c'est pas que j'ai fait un mashup, c'est que ça bug. Je peux plus arrêter les titres. Bon, bah c'est pas grave, ça, c'est chose sérieuse. Super blind test, en tout cas, bravo pour cette préparation. Écoute, d'émission. Non, il marche, c'est juste la Non, mais les gars, vous avez mis tout le budget dans les LED de déco, mais il fallait mettre un peu d'oseille dans l'informatique. En fait, c'est mon appareil qui est bloqué, c'est l'écran, il est, tout le monde me regarde. Mais avant, tout était manuel, Manu. Putain, on avait des bandes. On avait des bandes. On avait des cassettes. Maintenant, tout est digital, c'est filmé, c'est plus... Oh, tu sais, c'est à ça que tu vois qu'on a vieilli. Tu vois, je veux dire, on n'arrête pas de dire c'était mieux. C'était mieux, le fameux c'était mieux. Alors en fait, on kiffe aujourd'hui. T'as vieilli, toi, quels sont les signes de ta vieillesse? Alors tu sais quoi, on m'avait dit un truc et ça y est, j'y suis arrivé. C'est le matin, tu te réveilles et t'as une douleur à un endroit que tu connaissais pas. Oui, oh bah ça oui, ça c'est un classique. Ça c'est le classique. Un classique. Non, mais moi j'ai des signes vraiment précis. Alors par exemple maintenant, attention, je mets des chaussons parce que j'ai froid aux pieds. Ah mais moi aussi. Alors, ils sont un peu classe, hein. Attention, c'est pas un truc foireux. Mais à quoi j'ai découvert il y a quelques temps que j'avais vraiment passé un cap dans la vieillesse. Dans les chaussons? Ouais. C'est que quand je me couche, je les mets dans le sens de la sortie. Pareil. Et là, j'ai compris que j'avais quitté le monde de la jeunesse. Il y a ça et le deuxième truc. Et des chaussons confort, hein, il faut. C'est pas des petits chaussons. Ils sont fourrés, moi, les miens. Pareil. Et le truc, c'est que t'assumes. Et moi, je peux même sortir de la maison pour aller prendre un truc dans le jardin. Tu sais que en chaussons. Les gens de ma famille ont honte de moi. Mais j'en ai rien à foutre. Et le deuxième truc, c'est que l'autre jour, j'ai regardé un film porno et j'étais plus intéressé par un meuble qui était dans la déco. Je me disais, mais dis-moi ce petit guéridon là. Et j'ai essayé de le prendre en photo pour aller sur Google Search. Tu vois un peu le. Ça y est, j'ai passé la cape. Hein. Petite question, est-ce que la nuit, tu travailles aussi pour aller faire pipi? Alors, moi, la prostate, ça va. Ah. Moi, la prostate, ça va. Alors, non, parce que moi, j'y vais parce que le soir, je bois une tisane. Et si je vous raconte ce que je me suis acheté, parce que moi, comme j'achète toutes les merdes sur les réseaux, j'ai acheté un truc, et après, c'est fini, plus une seule femme ne me regardera dans la vie. J'ai acheté un coussin de genoux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un petit triangle, c'est comme un coussin tout petit que tu mets entre tes deux genoux. Pour pas que les genoux y frottent. D'accord. C'est super. Mais pourquoi tu veux pas que les genoux y frottent? Parce pour pas que faire ça mal? Ça fait mal. Ah, mais est-ce que quand il fait froid, est-ce que bah, tu te lèves le matin, tu dis ah, il va pleuvoir si t'as mal aux genoux? C'est des petits soucis. Putain, il y a 30 ans, dans des émissions de radio, on faisait que parler de cul, et maintenant on a mal au dos, non, on a mal aux genoux. On en parle, mais c'est juste des souvenirs maintenant. Ah oui. Ah putain, les petits vieux. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est Radio Resto. Est-ce qu'on peut avoir une petite tisane? On est là, bien sûr, avec plaisir, s'il vous plaît. Et puis la clim, moi honnêtement, j'ai des bouffées de chaleur. C'est vrai que la clim ne marche pas. Ah on bon a, ouais, alors il y a deux choses qui ne marchent pas. Mon écran pour envoyer les sons et la clim. Ils ont tout mis dans les LED, je t'ai dit. Ils ont tout mis dans les LED dans ce studio. À tout moment, on peut décéder, ce serait con. On est là pour les Restos du cœur, je vous le rappelle. Vous pouvez nous appeler, notre numéro c'est le 01 850 90 600. Si vous avez envie de jouer avec nous, il y aura des surprises, mais on ne sait pas qui va venir. C'est génial. On est avec Arthur jusqu'à 14h. Je vous rappelle que pour faire des dons, ça se passe sur radioresto.org radio... ou sur l'app ouais. Des Radio Resto. Voilà, et radio.restoducœur.org, on en a 132 425 euros collectés depuis hier 20h et ça continue jusqu'à dimanche 20h. Bon, mon écran il est cassé. Je peux faire un on peut faire un blind test et tu chantes les chansons aussi. Hein. Ça marche, je vais te les changer. Ok, t'es prêt? Ouais, vas-y. Everybody's free to feel good. Bien sûr, Gala. Non, Rosala. Rosala, pardon. Pas mal, ok. L'autre qui était prévu. Facile. Une pente de thon. Remontant la rivière, s'en aller gaiement. S'en aller gaiement. Une bande de thon remontant la rivière. Ça y est, marche. S'en aller gaiement, la rivière en l'air. Alors ça, c'est une chanson, parce que c'est un blind test spécial Arthur. Je vais être très honnête, je n'ai jamais compris pourquoi t'as aimé cette chanson. Alors je vais t'expliquer. C'est un pourquoi. vieux truc. Remontant la rivière, s'en aller gaiement. Parce que, je sais pas si tu te souviens, le gars qui présentait les infos à l'époque où on passait sans cesse cette chanson, ouais, c'était son père ou son oncle qui avait écrit la chanson. D'accord, donc et ça lui faisait des droits d'auteur. La première fois, on l'avait passé pour le charrier, journaliste, et après j'avais aimé cette chanson parce que j'ai toujours un goût pointu dans la musique, comme vous pouvez le constater. Okay. Et j'ai toujours kiffé cette chanson. Une autre encore, une ou deux de petites chansons blind test. Allez, vas-y. Ouais, ça remarche. Tu vas t'en souvenir. Ting ting ting. Ra Maya. Exactement. Afrique Simone. Coucou Bara Maya. Eh ouais. Qu'est-ce que c'était bien. Ça c'était une musique. Je ne sais pas pourquoi non plus. Tu nous l'avais sorti à ma tête. Tu nous as dit on va chanter ça. Et pourquoi j'avais mis cette chanson? Parce que le gars il passait partout à la télé et il prenait une chaise dans sa bouche et il la tenait en équilibre. Putain, je me souviens pas de ça. Bah c'est ça. Il y avait toujours une histoire. Il y avait toujours une backstory derrière ce que je faisais. Mais c'était bien ça, parce que imaginez quand même à l'époque, à 6h du matin, on était la radio la plus écoutée avec Manu tous les matins, tu mettais ça, les gens ça les mettait de bonne humeur. Ah mais c'est bien ça. Et j'étais pour la diversité. Mais ça, tu te lèves le matin. Tu souris. Bah oui, ça te met de bonne humeur. Bon, aujourd'hui c'est un peu vieilli. Non. Non, je t'entends dire ça. Non. C'est un peu vieilli. Ça a pas un peu vieilli, ça a complètement vieilli. Mais peut-être le départ c'était vieux. On a mis toutes ces musiques. Hein. Ouais. Alors attends, là on va passer dans les génériques de nos émissions. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, bien sûr. Ça a été un générique de notre émission qu'on avait refait. Deep Purple. Exactement. Hush. Ça aussi c'est sourire. T'es ça content quand bien. Tu écoutes ça? Mais il y avait des paroles en plus. Ah oui, et quand ça fait na na na na. Là, c'est le début. J'avais inventé ça quand même. Hein. Les jingles où ça chante le nom de l'animateur. On avait importé ça. Hein. C'était bon ça. C'est vachement bien. Faut imaginer que ce genre de musique ne passait pas à la radio. Et on nous interdisait de mettre ce genre de musique. C'était une erreur de nous l'interdire. Bah, dès qu'on t'interdit un truc, tu le fais. Donc. Tu te souviens la fois où le directeur de la radio nous a dit « Il est hors de question que vous mettiez une chanson de MC Solar ». Et on a fait 2 heures, on a passé non-stop la même chanson de MC Solar. En fait, le principe, c'est ça avec Arthur. Moi, je le connais depuis tellement longtemps. C'est si tu lui dis « Fais pas ça, s'il te plaît », il va le faire. Donc, c'est con. Bah ouais. Non, mais j'aimais bien. Écoute, les gens, quand ils se lèvent le matin, il fallait leur donner un peu de kiff, là. Surtout aujourd'hui. Mais en générique radio, on a eu des bons trucs. Ça. Ah oui. Nanana. Petula Clark, Downtown. Donc vous pouvez vous en apercevoir, les génériques qu'on utilisait. Non mais il faut expliquer qu'il y avait des paroles. Évidemment. Ouais, c'était pas ces paroles là. On changeait les paroles mais on gardait la musique. Mais tu les as pas avec les paroles? Non, je les ai pas. Faudrait les retrouver. Hein. Oh, c'était beau ça aussi. C'est cool ça. Oh, j'étais brillant. Oh, pour trouver les bons morceaux. C'est dur de trouver un générique. On avait les bons trucs. Hein. Un autre. Un petit dernier générique qu'on avait utilisé. C'était une musique, une vieille série. Est-ce que tu te rappelles? C'était une vieille série. On avait récupéré le générique et on en avait fait le générique d'une émission. Autobus impérial. Ouais. C'est ça. C'est ça. Get on board. Ça donne envie de démarrer une émission de radio. Non mais c'est vrai, ça. Ben n'oubliez pas, c'était il y a 30 ans. Hein. Ça mettait la patate. On en a eu d'autres. Hein. Oh, il y en a eu quelques-uns, ouais. C'est cool, ça. Et tu sais qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, on n'avait pas des machines à bruitage. Comme vous avez aujourd'hui. Non, attends, il y avait pas les écrans, des instruments, ça. On avait des poètes dans la main, on avait des schlings, on avait des tambourins. Mais bien sûr, devant, sur le table, on faisait des poètes à la main. On n'envoyait pas les sons, quoi. Ah non, mais c'était fantastique. Ah, bah c'était fantastique d'être vieux. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé la vieillesse. Et si on s'écoutait un vieux aussi, enfin un vieux, il est plus que vieux maintenant, Balavoine, l'Aziza. D'accord, et on rappelle quand même qu'on est là pour les Restos du Cœur et Radio Resto. C'est aussi une manière de collecter de l'argent, vous allez sur l'appli Radio Resto ou bien sur www.radio.restoducœur.org pour faire vos dons. Exactement, et il n'y a pas de honte à faire des petits dons aussi. L'essentiel c'est d'y aller. Oh, 12h26, c'est une bonne heure, c'est une bonne heure pour être là, un samedi, c'est Radio Resto jusqu'à 14h. On est en direct avec vous, vous pouvez nous voir aussi sur YouTube. Ah. Vous trouvez Radio Resto si vous voulez nous voir aussi sur l'application, Radio Resto, parce que oui, il y a de la vidéo aussi. Et vous pouvez aller sur mon MySpace aussi. Mais... Parce que ah, c'est grâce à Arthur que MySpace existe sur encore. Sur mon Skyblog. Mais hein, avec plaisir. On sera toujours là. Voilà, et pour les fans de ma page MSN, vous êtes tous les bienvenus. Avec, vous envoyez un petit whiz. T'imagines le mec qui est resté scotché dans les années 2000. Vous pouvez aider les Restos du Cœur cette année, c'est pour cette cinquième saison de Radio Resto. On se mobilise pour la petite enfance. Plus de 50 animateurs radio jusqu'à dimanche 20h. On se mobilise pour la petite enfance pour pouvoir en fait faire ce qu'on appelle des kits bébés. Proposer des kits bébés à tous ceux qui en ont besoin. Dans le kit bébé, il y a des couches, il y a du lait, il y a des petits pots. Il faut savoir que avec 100 €, on s'occupe d'un bébé pendant, si je dis pas de bêtises, pendant 6 mois. Ah ouais. Donc c'est énorme. On en est aujourd'hui à 133 445 € collectés. C'est vachement bien. Génial. Vous pouvez continuer à faire des dons. Ça se passe sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org. Vous hésitez pas. Et on rappelle, c'est vachement important aussi que en fait vous avez 75% de réduction. C'est-à-dire que grâce à la loi Coluche, si vous faites un don de 100 € par exemple, et ben en fait ça ne vous coûte que 25 € parce qu'il y a un abattement fiscal. Et si on fait un don de 1 000 €, Manu, je voudrais tester tes mathématiques. Bien sûr, il n'y a aucun problème. 1 000 €, ça ne coûtera que 250 €. Bravo, Manu. Alors, et 10 000 €? 2500. Oui, alors je crois qu'après 1 000 €, c'est 66% de réduction. Exactement. Donc 66%. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont faire des chèques de 1 000 €, mais il peut y en avoir. Mais déjà 10 €, c'est énorme. Mais 10 €, c'est fantastique. C'est pour les enfants. On a tous des enfants près de nous. Certains en ont eu, certains vont en avoir. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'en occuper et d'avoir les moyens de prendre soin correctement de ses enfants. Donc profitez d'envoyer vos dons à l'application sur Radio l'application Resto. Radio Resto ou sur le site www.radio. Non, pas www, t'emmerde pas. Radio.resto.org. Radio. Bon, allez, vous arrivez quelque part. C'est quoi le plus simple? Vous allez dans Google, vous tapez Radio Resto. Voilà, voilà. Et ça marchera très bien. Alors, Laurent Petit Guillaume nous a promis des surprises, mais elles se font d'attendre. Et alors, apparemment, comme ce sont des vieilles surprises, des personnes un peu âgées, elles mettent du temps à arriver. Bah, j'ai vu Bérénice la passer, j'ai cru que c'était une des surprises. Mais alors, non, Bérénice Bourgueil fait partie des 50 animateurs qui vont venir avec nous. Et tout à l'heure, elle sera là dans une émission qui s'appelle Olé Filles à partir de 14h après nous. Très bon titre. Il y aura Bérénice Bourgueil, il y aura Karima Charny, je crois. Karima, elle sera là. Absolument. C'est fou, j'ai l'impression que ce sont toutes mes enfants. J'aurais toutes mes ex. Mais non, ça va pas bien ou quoi? Il faut être leur père. Jusqu'à 14h, on est avec vous, on joue. Si vous avez envie de venir avec nous, vous pouvez nous appeler. On a un numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. Et comme Arthur fait jouer tout le monde dans Vendredi, tout est permis à la radio, on a fait milliards de jeux, j'ai préparé quelques petits jeux pour toi. Je suis prêt. Bah, tu veux gagner des millions hier? Oui, tout à fait. Très joli succès encore, décidément. Ça a bien marché. Oui, plutôt pas mal. Écoute, leader, enfin. C'est pas trop. Soyez restons modestes. Non, il n'y a pas de souci. Écraser la concurrence, peut-être. Voilà, ça arrive. On va se faire un petit qui veut gagner des millions. Mais attention, non, ça va pas être compliqué. C'est le même principe que qui venait gagner des millions, mais à chaque fois, il y a un rapport avec toi. D'accord. On va commencer par une question panda. Pourquoi toi? Pourquoi le panda? Parce que le panda, c'est ma mascotte. Exactement. T'aimes les pandas, et dans Vendredi, je vous ai permis. Dans toutes mes émissions, il y a des pandas. Voilà. Sauf dans Qui veut gagner des millions, parce que les ayants droit n'ont pas voulu. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un panda pour amener un petit quelque chose, tu vois. Un petit truc différent, quoi. Exactement. Que mange principalement un panda géant? Hein? Que mange principalement un panda géant? Des nouilles? Des burgers vegan, des feuilles de palmier ou du bambou? Du bambou. Du bambou, absolument. Bien sûr. C'est votre dernier mot. Et oh non, oui, si on fait ça, on va perdre énormément de temps. Bon, alors allons-y. Ah, attention, attention, nous arrêtons immédiatement. Car il y a la première surprise qui vient d'arriver. Bon. Une demi-heure après le début de l'émission, mais bon, c'est le principe de la surprise. Hein. C'est le principe de la surprise. À n'importe quel moment, la surprise peut arriver. Installe-toi là. Bon, la Kookaburra est là. C'est ça. Ah, t'as pas de casque. Ça va. Non. Mets-toi là-bas directement. Chef, bah, elle vous laisse à côté de toi, t'as bien compris. Mais moi, je veux pas. J'ai bien compris. Myriam Callas qui nous rejoint. Quel kiff. J'ai la chair de poule de vous retrouver. Non, c'est parce qu'ils viennent de remettre la clim. Ah, c'est ça. Ça va? Mais ça va super bien. Tu sais quoi, c'est ce que je disais à Arthur. Je lui disais, en fait, tous les ans, on se retrouve à Radio Resto. Et ce qui est génial, c'est que tous les ans, et j'ai encore le groupe WhatsApp. Pour dire, on déjeune. C'est ta faute, c'était toi qui devais organiser le déjeuner. Je peux vous lire tous les messages du groupe WhatsApp. Moi, j'avais donné la date, c'était le 11 novembre. Non, c'était un 12. Un 12 novembre. Ouais. Et ça s'appelait, même le truc s'appelait Resto du 12, je crois. Déjeuner du 12. Emmanuel, il nous a lâché. Pas du tout. J'avais organisé un magnifique déjeuner, j'avais moi-même cuisiné. Un mytho. Et à chaque fois, après Radio Resto, à chaque fois, c'est bon, là, on se fait un déj. Et on n'y arrive pas. On a passé tellement de temps tous ensemble que quand on se revoit, c'est comme on revoit des gens de sa famille. C'est un peu ça. On se manque. Et comme les gens de la famille, on se voit qu'une fois à Noël, quoi. Mais exactement. C'est notre Noël un peu, Radio Resto. On est content de se voir une fois par an. Et on se dit, quand on est ensemble, on dit putain, c'est génial. Et à la fin de l'émission, on se dit, bon, une fois par an, c'est déjà pas mal. Viens, on fait un déjeuner et on répond jamais, on calme pas. Moi, j'avais bloqué la date. Je vous ai donné une date, vous n'êtes pas venu, vous m'avez lâché. Alors, j'en discutais avec Bérénice Bourgueil. Hein, on a quelques déjeuners de retard hein, quand même. Écoute, depuis 5 ans de Radio Resto, ouais, on a quelques déjeuners de retard. Ouais. Mais on est content de se retrouver là. Mais ça nous fait plaisir. Et c'est pour la bonne cause en plus. Exactement. C'est ça le plus important. Exactement. Donc, Myriam Kalla, si vous ne la connaissez pas, vous la connaissez pas. Alors, on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Donc, ça, c'est la surprise, ça. Bah disons que c'est pas mal. Ça va. Mais moi j'ai une surprise pour vous. Ah bon? Ah ouais. Donc Myriam avec qui on a fait de la radio. Oui, je te laisse. Non, c'est important. On a fait de la radio pendant des années, qui est une des plus grandes voix off, on peut le dire aujourd'hui, des médias français. Même voix off. Ouais, voix off, ouais, dessous, enfin, comme tu veux. Des doublages d'acteurs américains très connus. Si, on dit oui, d'accord, ok. Sharon Stone. Sharon Stone, bien sûr, la doublée Sharon Stone. Tabata Cash. Pour la version maghreb. Tabata Crash. C'est Myriam Kalas. Et t'as une surprise en plus? Ouais, j'avais envie de faire un truc avec vous. Ah? Voilà. Je peux? Bah, oui, bien sûr. Alors, la dernière fois qu'elle nous a dit j'ai envie de faire un truc avec nous, il y en a un des deux qui s'est retrouvé papa. Comment va le bébé d'ailleurs? Alors, comment va ta fille? Elle va très bien. Merci très bien. Beaucoup. Voilà, avant, on parlait que de cul. Comment va ton mec? La mienne, elle est magnifique. Tout à l'heure, on se rend compte qu'on a vieilli un petit peu et on voyait les signes. Mais elle a pas vieilli. Qui faisait qu'on vieillissait. Elle a pas vieilli. Physiquement, non. Ah non, Manu, oui, mais toi, je trouve que t'es pas Manu, mal. Mais non, Manu, non. Hein. C'est vrai? Tu bouges pas. C'est quoi la vérité? Si, regardez, au-dessus de mes... Vous voyez mes cheveux, là? Il y a un peu de trop. Ah non, mais attends, mais tu fais comme moi. On a tous un problème de cheveux. Mais c'est tout simple, les amis. Alors, soit en fonction de ton porte-monnaie, soit tu fais ça à Paris, soit tu fais ça en Turquie, c'est magnifique. Les implants? Ah, mais j'en ai fait, c'est génial. Ça marche vraiment? Ah bah oui, regarde, cheveux de feu, on m'appelle. Ah oui, non, mais je vois bien la toupette, là. Mais toi, ils t'ont pris des poils des fesses, non? Parce que j'ai que ça tienne plus longtemps. Voilà. Mais ça du coup moi. Mais non, mais vraiment. Faire ça, je te jure, ça. Moi, genre, tu sais, moi, si je devais revenir à la case départ, j'enlève les dents, j'enlève les cheveux. Le soir, il se dévisse complètement en fait, quand il se couche. Je garde ma jambe de bois. Un Lego, tu sais. On se connaît bien. Bah oui, on se connaît bien. Depuis quelques années, tu le disais, hein, Manu, voilà. Donc, vous me connaissez bien. Oui, bien sûr qu'on le fait pas mal. On va jouer ensemble. J'aime bien quand tu prends cette voix-là. Et vous allez voir, c'est un peu pour toi. Que pour moi et Manu, il va jouer avec nous, mais tu vas comprendre. J'ai une question à vous poser à tous les deux, d'accord? Ok. Est-ce qu'on peut m'amener un petit plaid? C'est vrai qu'il caille. Ouais. Alors, non, il y a un problème, c'est que le studio dans lequel on est pour Radio Resto est magnifique. Ça passe de plus 10. C'est sublime. Non, mais c'est la première fois qu'il est utilisé. On est à Igencia, qui est une école, et c'est incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, il teste des choses et en fait c'est soit il fait très chaud, soit il fait très froid. Voilà. Là il fait très froid. On fait une petite cryothérapie et c'est pas plus mal. C'est bon pour les ça fouette. C'est bon pour les vieux. Ah, ça ils sont en train de le régler. Ah non mais à chaque fois qu'ils sont sympas, à chaque fois on dit un truc. C'est génial. On peut demander ce qu'on veut. Allez vas-y, coupe moi. J'ai une question pour vous. Écoutez bien. Ah ben on était dans la question pour un putain. Bim boum boum. Ah ben ma surprise, surprise. Magnifique. Vous me connaissez bien. Vous savez donc forcément que je suis opacarophile. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire opacarophile? Alors, file, c'est la phobie. Non, file, c'est la collection. Allez réfléchir, je vous fais quand même les quatre propositions. Tu connais la technique quand même. Alors, est-ce que ça veut dire A, que j'aime les filles qui s'appellent Caro? B, que j'aime les couchers de soleil? C, que j'aime les balades au cheval au pas? Ou D, que j'aime l'organisation professionnelle agricole, acronyme OPA? Non, pas du tout. Non, c'est les couchers de soleil. Alors, vous avez 30 secondes pour réfléchir. Opacarophile soleil. Opacarophile. Comment tu relis ça avec soleil? J'en sais rien, mais j'ai rien. Mais comme je me souviens plus des propositions. C'est l'âge, ça. Hein. Opacarophile, c'est pas les filles qui s'appellent Carole? Caro, pardon. Carole, Caroline. Il y a le coucher de soleil. Il y a quoi les autres? Alors, les filles qui s'appellent Caro, les couchers de soleil, les balades à cheval au parc. C'est pas mal ça. Ou l'organisation au professionnel, paix, agricole. Non. C'est pas le cheval, c'est un jeu de mots de merde. Opa carophile. Donc c'est dans ça, l'organisation. C'est l'organisation. Ouais. Professionnel, agricole. Ouais. C'est votre dernier mot. Mais tu peux pas collectionner l'organisation professionnelle. Non, agricole. C'est une collection. C'est qu'elle aime bien, toi. Elle est tarée, quoi. C'est pas forcément collectionner. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'était coucher de soleil. Exactement. Toi, Manu, putain, je peux pas te faire confiance. Il avait bon, hein, du premier J'avais coup. Bon tout de suite. Et oui, ça se dit d'une Qu'est-ce personne. Qu'est-ce qui collectionne les trucs agricoles? Non, ça se dit d'une personne qui, au pacarophile, c'est quelqu'un qui adore regarder les couchers de soleil. Ça vient de crépuscule en latin, au pacaré. Ok. Dit en grec, fil. Elle a toujours été chiante, elle a pas changé. Non, mais voilà, c'était marrant. Mais toi, t'es ça, toi? Moi, je suis à fond. Les couchers de soleil? Coucher de soleil. Le lever de soleil, coucher de lune. C'est eux qui nous pourrit notre fil Instagram, en fait, quand on regarde avec plein de photos de coucher de soleil. Ça peut. D'accord. Il y a ça ou de la bouffe. Ok. mais qui n'aime pas les couchers de soleil? T'as des gens, mais moi, je peux passer des heures, tous les jours, au même endroit. Ah, ouais. Tu te fais chier depuis combien d'années? Depuis toujours. Il y a d'autres questions ou pas? Non, il y en a qu'une. Alors, okay, non, mais voilà. Moi, j'en avais des questions. Alors, je vais vous poser ces questions à vous deux. J'adore. On avait commencé tout à l'heure. Attention, voici les questions. Question radio. Quelle radio pirate a contribué à l'essor du rock en France dans les années 60? Radio Caroline, Radio Luxembourg, Radio Monte Carlo ou Radio Rock? Radio Caroline. Radio Caroline pour toi. Moi je dis pareil. Radio Caroline, c'est votre dernier mot aussi, évidemment, c'est bien sûr. C'est mon dernier mot. Ouais. C'est Radio Caroline, yes, évidemment. Sir. L'histoire de la radio. Bien sûr. Fort. Attention, on continue avec une question radio aussi. La tête de Manu. Quel est le surnom de Philippe Bouvard, animateur de longue date des Grosses Têtes? Est-ce que vous le connaissez sans que je vous donne. Franchement, je savais même pas qu'il avait un surnom. Je savais même pas qu'il avait un surnom. Eh ben si. Boubou. Non. Le roi de l'humour, Monsieur Radio, le roi des Grosses Têtes ou le Pacha? Je crois que je sais. Le Pacha. Le surnom de Philippe Bouvard. Le Pacha. Exactement, le Pacha. On est trop fort. C'est pas génial de s'appeler le Pacha? C'est top. Je suis moi-même le roi. Donc alors, qu'est-ce qui est roi ou Pacha? Qu'est-ce qui est plus. Pacha, il y a un côté. Ce que j'aime bien dans Pacha, c'est. D'abord, le Pacha, c'est l'amiral qui est patron d'un porte-avions, déjà. Faut le savoir. C'est le patron du porte-avions, on appelle ça le Pacha. D'accord. Mais dans la littérature française, le Pacha, c'est le mec, tout le monde est à son service. C'est ça. Alors que le roi, tout le monde est à son service, mais il doit faire la guerre. Ah, c'est ça la différence. Ouais, donc le Pacha, c'est plus cool. Si t'es au service d'un Pacha, t'as moins de chances de mourir, en gros. C'est ça. Ok. C'est plus pénin. Autre question. Oh, j'ai l'impression d'être inoxtag, là, tellement il fait froid. On va microclimat dans ce studio. En fait, je crois que c'est ta place où vraiment la clim tombe dessus. C'est pour ouais, ça. T'as raison, ouais. Recule-toi un petit peu. Voilà, là c'est bien. Allez, une autre sur une question Arthur. Quel personnage de bande dessinée belge célèbre pour son humour et ses jeux de mots s'appelle Arthur? Arthur le fantôme, Arthur le cactus, Arthur le chevalier de la table ronde ou Arthur le roi des Britanniques? Oh, alors là, tu peux répéter vite fait, s'il te plaît? Quel Mais personnage ici, de bande dessinée belge célèbre pour son humour et ses jeux de mots s'appelle Arthur? Arthur le fantôme, Arthur le cactus, Arthur le chevalier de la table ronde ou Arthur le roi des Britanniques? Je dirais le 1, fantôme. Le fantôme. Arthur. Moi, je peux pas, je connais la réponse. Ah bon? Bah oui. C'est quoi? Bah, c'est tout ce qui touche à Arthur, je touche des droits. Ça m'appartient. À moi, donc c'est. Tu as dit quoi, toi? Mais j'ai dit le fantôme. Non, mais vraiment au hasard. Non, c'est pas le fantôme. C'est pas le fantôme? C'est britannique, j'avais en deuxième, non? C'est pas ça. Tu vois, il s'y connaît en Arthur. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, c'est pas le fantôme. Bien sûr, si c'est le fantôme. Voilà. Encore une licence qui n'est pas contrôlée. Bravo, Arthur. Une petite. Une dernière question musique. Qui est surnommée la reine de la soul? Whitney Houston. Aretha Franklin. Ok, Aretha Franklin, on va passer à une autre question. Tu es bon ou pas en blind test? T'as rien pour le coincer là? Impossible de me coincer. Non, j'ai d'autres jeux après. Parce qu'on va faire, plein de jeux. Oh, j'en ai un très bien après. J'adore. J'en ai un très drôle et vous allez jouer ensemble. Okay. C'est plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Oh merde. Il est pas content. Après, tu n'es qu'un petit bâtard. Après Europe, The Final Countdown. Okay. Oh, ça c'était bien ça aussi. Bah, ça c'est moins vieux que toi ça. Europe? C'est quelle année ça? Europe The Final Countdown. 81. On est au 80. Non, peut-être un peu plus quand même. 85. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bah écoute, mais ça n'a pas vieilli, ouais. Comme non, toi. Non, ça n'a pas bougé. Bah non. Bah, pour les amateurs de synthé, je pense que c'est. Ah bah là, on est. Et ils ont des cheveux. C'est. Oui, comme, pas comme nous. Bah, je les ai pas vus récemment, les gars. Ah non. Il est midi 40 jusqu'à 14h, on est avec vous, c'est Radio Resto. Mais il faut donner des sous, hein, les enfants. Ouais. On vous rappelle que vous pouvez donner, et c'est pour ça qu'on est là aussi, au Resto du Cœur. C'est sur l'application Radio Resto ou sur le site radio.restoducœur.org. On est là jusqu'à 14h avec Arthur et des surprises. Yam Yam Kalaski avec nous. Ah bah, vivement la surprise. Et il y en aura d'autres. Et une belle surprise, Europe. Si ça, c'est pas une surprise. Quelle intro. Soyez les bienvenus, c'est Radio Resto, 48 heures de radio éphémère et on est là pour les Restos du Cœur. Merci d'être là et de nous écouter jusqu'à dimanche 20h. Qu'est-ce que tu galères avant de caler l'intro? Ah, j'arrive même pas. Moi, j'avais abandonné là. Ah, l'intro dure 1 minute 54. Qu'ils aillent bien se faire foutre. Là, il va chanter. Ça n'a pas vieilli, non? Ça n'a pas pris une ride. Parce que déjà, ils en avaient, je pense, à l'époque. Et où, petit Guillaume? Laurent, petit Guillaume est là. Petit Guillaume, qui quand même, faut le féliciter parce que c'est lui qui organise Radio Resto chaque année. Et c'est lui qui a le sens de la surprise. Ouais. Puisque tu as fait venir mon barbier. Mais pour quelle raison? Zach est là. Comment ça va, Zach? Ça va. Ça va bien? Merci, ça va. Zach, qui a fait Cagne, Hippocagne et qui est le meilleur barbier de France, hein, je vous le dis. Ouais, ah ouais. Et toutes les stars vont chez lui. Alors, nous, on est là pendant 2 heures, jusqu'à 14 heures. J'avais préparé des jeux, préparé des choses, et Laurent m'a dit, va y avoir des surprises, des belles surprises. D'abord, Myriam Galas qui vient. Voilà, désolé, magnifique. Et donc, ton barbier. Voilà. Et là, c'est là où je me dis qu'il y a un truc qui va pas du tout dans la tête de Laurent Petit Guillaume. Je vais vous expliquer. Alors, c'est devenu une influenceuse. Il fait que des selfies là. Non, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis sur TikTok depuis 15 jours et je comprends rien. Là, t'as pas de rides, c'est fou ça. C'est toi. Tu fais le fil d'or. Non, je fais ni le fil d'or ni le fil d'argent ni le fil d'acier. Arrête. Je dors beaucoup. T'es beau. T'as un front. On dirait un cul. Je te jure, t'es magnifique. Non, mais c'est vrai. T'es magnifique. Je peux te montrer mon cul. Ressemble pas à mon front. Arrête un peu. Ça dépend. Non, mais j'ai fait venir Zach parce que moi, je le suis. Enfin, je le suis par ton intermédiaire. Quand il vient de coiffer, quand il vient de faire beau et tout, il y a du boulot. Et à chaque fois, ça passe, ça devient des sketchs. Ce mec est énorme. C'est une star. C'est une star, Zach. Donc, il faut qu'il se lance, quoi. Il faut qu'il fasse, je sais pas. Je crois pas que la radio, ce sera tout de suite son truc. Zach, qu'est-ce que tu penses de la radio? C'est bien. Voilà. Son émission sera très courte. Hein. Non, mais Zach, c'est quelqu'un qui est très drôle, qui a beaucoup de talent, mais qui est un petit peu intimidé. C'est normal. Il n'est pas tous les jours devant un micro de radio. Puis vous, ces gens-là, vous savez qu'une barbe, ça fout tout de suite la trouille, donc il a du mal à trouver. Mais Zach, c'est mon pote. Voilà, c'est mon pote. C'est comme quelqu'un de ma famille. Ouais, voilà, c'est comme quelqu'un de ma famille. Ouais. Et alors, je précise qu'il fait la barbe, les cheveux, mais le maillot à merveille. Oui, il peut te faire. Ce qui est étonnant, c'est que tu nous as dit qu'il avait amené son matériel. Peut-être qu'on pourrait faire un maillot en direct. Mais ça tombe bien. Il peut te faire le logo des Restos du Cœur. Non, mais en cœur, ça serait exactement. Je veux bien. Pareil pour toi, il peut te le faire à l'arrière. Si les gens veulent mettre des pièces, il y a aucun problème. Ça tombe tout seul, il y en a plus beaucoup. Plus tu vieillis, plus tu deviens imberbe, tu sais, tu verras. Non, mais moi. Alors, quand il est arrivé, pour tout vous dire, il y a des filles là, des filles de la radio qui sont là. Elles sont toutes arrivées. Ah, il est là, Zach. Ah, mon Zach, comment ça va? C'est tout. Approche du micro, ne sois pas timide, mon frère. Mais oui, il connaît tout le monde. Alors, Karima Charny, la connaît. Elle est là, Karima Charny. Elle vient pas. Bah parce qu'elle fait l'émission d'après. Qu'elle vienne, Karima, nous dire bonjour. C'est organisé l'émission, peut-être. Tu es en train de nous dire qu'il y a un conducteur. Pour moi, non, mais moi, je sais maintenant qu'à chaque fois, à Radio Resto, on fait un truc avec Arthur. À chaque fois, je prépare les trucs. Je sais que globalement, on fera 10%, donc c'est pas grave. Zach, qu'est-ce que tu penses de la situation internationale? Quelle situation? Je vais pas faire au moins. C'est important que tu nous donnes un peu ton ressenti sur ce qui se passe, l'économie française par exemple. Comment ça se passe? De là, on travaille. Là, c'est le gars le plus. J'ai rarement vu dans nos métiers, on rencontre plein de gens, quelqu'un qui a la tête sur les épaules comme ça. Voilà. C'est un mec, il est carré dans sa tête. Tiens, là voilà. C'est simple, c'est efficace. Karima Charny qui est là. Comment ça va? Ça va et toi? Mais c'est ça aussi Radio Resto, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de se croiser pendant toute l'année, voire même des années. Et on se voit au Resto du Cœur. On se voit avec Karima. Mais ça va bien. Attends, je fais de la bise aux auditeurs. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Elle est super, Karima Charny. Tu t'es coupé les cheveux, Karima? Oui, j'ai tout coupé. Mais ça te va bien? Bah, merci beaucoup. On dirait Claire Chazal. Un petit point mode. Claire Chazal. Au niveau des cheveux ou de l'autre? Parce que tout le reste. Je me reconnais pas, je vois pas l'effet miroir, mais merci. Quelle est ta routine beauté? Rien. Bon. Voilà. Et moi, elle, je l'aime beaucoup, Karima Charny. Merci. Oui. Myriam aussi. De toute façon, il y a que des gens. Non, mais t'es pas obligé, hein. T'es pas obligé. Non, je t'aime bien. Alors, on va jouer au jeu du. Tu dois en pousser une sur deux du haut d'une falaise. Alors, c'est pas vrai. J'allais dire qui? Une amitié de 20 ans ou... Tant que t'es là, on va faire le plus ou moins vieux qu'Arthur. Ok. Allez. Parce que c'est le principe jusqu'à 14h de faire des petits jeux avec Arthur, puisque lui, il fait jouer tout le monde. C'est vrai. Attention. Alors. Vous ne le savez peut-être pas, mais Arthur est né le 10 mars 1966. Je vais vous donner des personnalités. Vous me dites si, d'après vous, elles sont plus jeunes ou plus vieilles qu'Arthur. Ok. Okay. Ça, c'est vraiment un jeu. Je suis content. C'est au faciès, quoi. Jean Dujardin. D'après toi, Myriam. Plus jeune, oui, absolument. Il est né en 1972. Il a 52 ans. Sophie Marceau. Plus jeune ou plus vieille qu'Arthur? Il n'y a pas grand-chose. Je pense à ce moment-là. Non. Ouais, même année. Je crois que c'est la même année aussi. À ton avis, Zach? Elle est plus vieille. Mais je dirais plus vieille, mais de quelques tout petits peu. Plus vieille de quelques tout petits peu? Ouais. Mais elle est plus vieille de quelques mois, elle est née en 66 aussi, le 17 novembre. Ouais, on a un... Bravo. On a un point commun, Sophie, Marceau et moi, on est très bien conservés. Ouais. Et franchement, c'est elle plus quand même. Omar Sy. Plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Plus jeune. Oh, ça va, c'est vexant pour Arthur. Non, non, non. C'est pas la même chose. Une espèce d'évidence qui est sortie du cœur. C'est tellement ça. Michel Sardou. Plus jeune, évidemment, qu'Arthur. Le mec, pas du tout fan. Quel bâtard. On rappelle que Michel Sardou a 25 ans. Bah oui. Michel tu connais, est... Zach, tu connais Michel Sardou? Approche du micro. Tu connais Michel Sardou? Non. Et toi, tu connais Aznavour? Ouais. Ah, quand même. Il peut nous chanter la bohème. Non. Viens, on chante ensemble. Je vous parle d'un zoo qui est moins de 20 ans, ne peut pas me connaître. Mon mari, on va refrain. La bohème. La bohème. Waouh, je il parle et il chante aussi. Ouais, c'est impressionnant. Plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Alain Chabat. Plus vieux? Non? Alain Chabat est plus vieux qu'Arthur? Oui. Oui, absolument. Il a 65 ans, il est né en 58. D'accord. Vincent Cassel, plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Plus vieux, bonne question. Ah, hop, c'est appuyé, c'est parti. Zach, il a dit plus jeune. Zach a dit plus jeune. Non, plus vieux. T'as dit plus vieux? Moi, je dirais plus jeune. Ah, mettez-vous d'accord. Plus jeune, nous, on est d'accord. Prenez votre temps, on est jusqu'à 14h. Réfléchissons. Vous savez que ça peut être très vexant, ce jeu. Totalement. Mais t'es déjà vexé, ça doit être plus beau. Je ferai le même avec vous. Tu restes plus beau. C'est pour ça que je l'ai fait. Vous dites quoi alors, Vincent Cassel? Plus jeune. Vous dites plus jeune? Eh ben non. Enfin, c'est Zach avait raison. Il est plus vieux, Vincent Cassel, de quelques mois. Voilà, les deux connasses. Attends, c'est pas fini. Patrick Bruel, plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Plus vieux. Plus vieux, oui, absolument. Même si il fait toujours 30 ans. Qu'est-ce qu'il chante, Patrick Bruel? Casser la voix. Non. Le café des délices. Mais oui, bien sûr. Exactement. Yalil. Alors, j'avais fait un jeu dans VTEP. Et qui s'appelait le quiz de Zach l'artiste. Un jeu qui est parti très vite au cimetière des épreuves. Le principe, c'est qu'il devait te faire deviner un mot, mais sans le prononcer. D'accord. Ah. Mais déjà, il fallait que tu devines déjà ce qu'ils disent. Avec son français. On peut essayer. Bah oui. Non. Allez, fais pas le timide. On est entre... D'ailleurs, entre nous. Vous pouvez aller sur le compte Insta de Zach l'artiste. Hein. Ça s'appelle Z-A-K. L'artiste, c'est le meilleur barbier. Il a des salons de coiffure partout, Paris, New York, Milan, Los Angeles, Meknès, La Goulette et allez. Oui, Manu, on t'attend. Ben quoi, moi je continue. Question suivante. Ah ben moi je pensais que t'étais parti là tranquillement dans ton truc. Donc on fait pas le jeu de deviner le mot. Non. Tu veux faire comme tu veux. Ok. Alors vas-y. On doit deviner un mot. Voilà. Ok. Allez. Alors, okay. Non, c'est vrai. On comprend. Du coup, la fin du jeu. On va continuer plus jeune ou plus vieux qu'Arthur. D'accord. Allez. MC Solar. Plus jeune. Plus vieux. Plus vieux. Tu penses que il est plus vieux toi que toi, Arthur? Claude, ouais. Mmh. Ah, quelque chose. Mmh. Non, il est plus jeune que moi. Il est plus jeune. Il est en tête là. Il est pas de beaucoup. Il est né en 69. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il est plus jeune de pas beaucoup. Claude Lelouch. Plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Plus jeune. C'est dur. C'est trop dur. La jeunesse est tellement. Ok, on enchaîne. Charlotte Gainsbourg. Plus jeune ou plus vieille qu'Arthur? Plus jeune. Et ben oui. L'hésitation. Tout en Camon, plus jeune, évidemment, bien sûr. Madonna, plus jeune, évidemment, bien sûr. Et Jacques Dutronc, pour terminer. Madonna, elle n'est pas plus jeune que moi, connard. Non, c'est une vanne. Ah, d'accord, ok. Il n'a pas d'humour avec son âge. Mais avant que c'est quand même le jeu le plus vexant de l'histoire du jeu. J'ai cru entendre un connard qui est parti, mais pas du tout. J'étais pas sûr. Jacques Dutronc, plus jeune ou plus vieux qu'Arthur? Plus vieux. Arrête un peu. Eh ben non. Bien sûr. Ah non, bien sûr. Tu m'angoisses à chaque fois avec ce jeu-là. Il est plus vieux. Il était bien jeune, non? Vous savez, bientôt, à ce rythme-là, il va faire mort ou vivant. C'est ça. Alors, au départ, c'est ce que je voulais faire. En fait, c'est mort ou plus jeune qu'Arthur. Mort ou vivant, c'est un jeu que j'avais essayé à la télévision. Et on l'a fait qu'une fois. Et parce que j'avais pris une candidate dans le public. Et je lui montrais des photos de célébrités. Elle devait me dire s'ils étaient morts ou vivants. Et je la reçois et je dis bonjour madame, t'appelles comment? Vous avez l'air triste. Et oui, parce que mon mari est mort la semaine dernière. Oh mince. Ah. Ça a pété l'ambiance. On était avec Ramzy, je pense qu'on a pris un fou rire. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi, ce genre de truc? Je sais pas. Ça s'appelle le destin. Ma vie est un puits à conneries, en fait, depuis toujours. Jusqu'à 14h, on est avec Arthur, avec des surprises, avec son barbier. Il y aura peut-être bientôt sa nounou qui va venir tout à l'heure. Exactement, car j'ai encore une nourrice. Et Zach, qui va, juste avant qu'on envoie de la musique, peut-être, va nous faire un point sur la dette française. 6% de déficit cette année, Zach. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alhamdoulilah. Prochaine analyse de Zach dans 5 minutes. Restez avec nous. Clara Luciani. T'aurais pu faire un petit Guillaume plus jeune ou plus vieux qu'Arthur. Hein. Personne n'est plus vieux que l'anti Guillaume. À la radio, c'est pas sympa. C'est pas parce qu'elle a été le premier à poser un émetteur en France qu'on doit dire que c'est le plus vieux du monde de la radio. C'est pas vrai. Clara Luciani, on va la remettre au début quand même. Attends, il va venir Laurent petit Guillaume. Bien Laurent. Bien Laurent. Tu vas en prendre pour ton grade. Mais Laurent, il a quel âge, Laurent? Il a déjà eu ça. Laurent, Laurent, on compte en année Laurent, en fait. C'est un barème. En gros, voilà, Napoléon, c'est 4 Laurent Tiguillon. C'est ça. Ah ouais. Bon, on vient juste après Clara Luciani, c'est Radio Resto. T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. Déjà 13h, que le temps passe vite quand on s'amuse et quand on est vieux. C'est Radio Resto, il est plus de 13h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. On est là pour les Restos du Cœur, on va vous en parler dans quelques instants avec Arthur jusqu'à 14h et des invités. Et comme chaque heure, il y a les élèves de l'IGENCIA qui nous vous proposent des flashs, des infos sur les Restos du Cœur. Écoutez. Restos du Cœur ne se contente pas de remplir des assiettes, il participe aussi activement à la réinsertion professionnelle. Comment ? En proposant un accompagnement pour les demandeurs d'emploi. C'est le cas à Vinicieux, où un service dédié à l'emploi a été mis en place. Un reportage de Loane Martinez, ISCPA Lyon. Marie-Pierre, retraitée et bénévole au Restos du Cœur de Vinicieux, gère seule le secteur de l'emploi. Chaque mardi et jeudi, elle accompagne des demandeurs au parcours varié dans leur quête professionnelle, offrant un soutien adapté à chacun. Aussi une population qui est un peu sortie de l'emploi pour des raisons de santé. Il y a des gens qui sont, voilà, qui sont RSA, donc on essaie de les remettre. Pour les personnes en recherche d'emploi, les Restos du Cœur de Vénissieux collaborent avec France Travail. Cette coopération permet aux demandeurs d'accéder à des forums et des annonces ciblées. Marie-Pierre nous explique également le concept du saut dans le bus, une initiative innovante née de l'idée du réseau d'agences d'emploi Fergus, qui offre une approche originale pour aider les chercheurs d'emploi. Il y a un bus qui part avec des demandeurs d'emploi et qui fait le tour de plusieurs entreprises. Il visite les entreprises. En même temps, souvent, il y a l'entreprise présente s'ils ont des postes, le type de poste qu'ils proposent. Et donc, les demandeurs d'emploi essayent de voir ce qui les intéresse. Au-delà de l'aide à l'emploi, les Restos du Cœur offrent également un soutien juridique. Grâce à des partenariats avec des avocats bénévoles, les chercheurs d'emploi peuvent bénéficier de conseils sur leurs droits et leurs démarches administratives. Une aide précieuse pour ceux qui, en plus de chercher un emploi, doivent parfois faire face à des situations juridiques complexes. Radio Resto, 48 heures, non-stop. C'est nous, c'est Radio Resto, depuis hier 20h jusqu'à dimanche 20h, c'est déjà la cinquième saison. Le temps passe, le temps file. Et on est jusqu'à 14h avec Arthur, avec des surprises aussi. Il y a Myriam Kalas qui est là. Myriam Kalas, Karim Acharny et Zach. Et Zach est la grosse surprise que tout le monde s'arrache, en fait, de toute manière. Exactement, d'ailleurs, il part sur une autre émission juste après pour faire une autre surprise. C'est incroyable. C'est surprise le, alors, man. C'est le coiffeur barbier d'Arthur. Mais j'ai quelqu'un. Alors, nous avons une nouvelle surprise. Ça n'arrête pas. Alors attention, Laurent Petit-Guillaume nous a préparé des surprises pendant toute l'émission. Et là, il y a une nouvelle surprise qui arrive. Un lien avec Arthur. Assieds-toi, Marie-Pierre. Alors, bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Alors, Marie-Pierre est une surprise. On ne sait pas. Non. Donc, on doit deviner quel est le lien avec Arthur. Ouais. Alors, est-ce que je peux. On se peut se tutoyer? Bien sûr. Quel est ton nom de famille? Ah, bah, peut-être pas le donner en direct, c'est un peu compliqué pour notre famille. Ah, oui, d'accord. Mais est-ce que. Ah, tu t'en fous? D'accord. Je m'en fous. Ouais. Ah, d'accord. Bah, ton portable, alors, à ce moment-là. Le RIB, Liban. Alors, Mileli. Marie-Pierre Mileli. Marie-Pierre, est-ce que tu connais Arthur depuis très longtemps? Oui. Depuis plus de 10 ans? Oui. Naken? Non. Ah, tu aurais voulu? C'est pour ça qu'il aurait voulu. C'est pour ça que je me rappelle pas. Non, ce n'était pas possible. Non. Ah, c'était pas possible? Non. Parce que l'un des deux était déjà en couple. Marié. Pas marié. Mais en couple? Oui. À une époque, genre vous aviez 20 ans, 30 ans? Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. La vingtaine. T'étais où quand t'avais 20 ans? C'était 20 ans. À côté de Paris? À Massy? Ouais. Ah, même école? Même classe? Même école. Même école. Même école. Fustel. Quelle école? Ouais. T'étais à Fustel de Coulanges? J'étais à Fustel de Coulanges. Et vous avez été ensemble en cours? Enfin, pas dans la même classe? Pas dans la même classe. Dans la même école? Ouais. Bah, est-ce qu'on a trouvé? Il y a autre chose encore à trouver derrière? Il y a encore autre chose à trouver, oui. Un. Tu. Radio Nord-Essonne. Ah, on a fait de la radio ensemble? Non, je suis allée te voir à la radio. Ouais. Avec Philippe Leroy, qui est devenu mon mari. Ouais. Voilà. Et à l'époque, tu étais avec une Séverine. Ouais. Qui est ma meilleure amie. Qui est la meilleure amie de ta meilleure amie? On a une vraie relation, hein, dis donc. On peut dire que vous êtes les meilleurs amis du monde. Allez, vas-y, dis-nous que c'est une caméra cachée. Alors, au début de cette émission-là. Pour l'anecdote, oui, on n'avait pas du tout préparé ça, mais c'est la maman de mes collègues de France Bleu qui, à un moment donné, on avait besoin de personnes bénévoles pour faire Radio Resto. Et bah elle est venue, elle a dit moi je veux bien vous aider au standard et tout. Et puis quand elle a su qu'Arthur était là, elle a dit ah oh, mais on a un petit lien. Mais on est d'accord qu'en fait ta vie c'est d'essayer de suivre Arthur là où il fait de la radio en fait. Absolument. Donc tu avais une copine. Ouais. Avec qui tu sortais? Qui faisait de la radio? Non, j'avais une copine avec qui tu étais. Elle s'appelait comment? Séverine. Je vais pas dire son nom de famille. Bah si, qu'on google. Bon tu me diras après. Séverine, attends quel âge j'ai ma langue. Il y a 38 ans que j'ai oublié. Pardon, alors que elle veut dire partout, je suis l'ex d'Arthur. Ouais, tu sortais avec lui quand j'étais à l'école. D'ailleurs, ça me dit quelque chose. Le compte Instagram de Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre ex-Arthur. Elle était blonde, non? Ouais, elle était blonde. Ouais, ouais, je vois de qui tu parles. Et toi, t'es toujours avec celui de l'époque? Alors, on a divorcé, mais on a deux beaux enfants, dont un qui est derrière la vitre. Et c'était une très jolie fille. C'était une super jolie fille. Ah, ça y est, je sais de qui il s'agit. Tu vois qui c'est? Je me souviens. Voilà. Et toi, tu es toujours en relation avec Séverine, l'ex d'Arthur? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. On va la retrouver? D'accord. Pas du tout. Non, le jour où elle a quitté Arthur, je... Bien sûr, évidemment. Je l'ai quitté aussi. Oh, c'est à mon enterrement qu'il y aura de l'ambiance. Une belle ambiance. Ah, il y a l'air du monde, hein. Ah, elles seront un peu tapées parce que je commence à vieillir, mais vous allez avoir des bonnes surprises. Dis donc. Elle aussi. Michel Obama. Que fait Michel Obama ici? Eh ben, merci d'être là. Hein. Merci. Très, très bonne surprise du niveau de celle de Zach. Pour l'anecdote, elle fait le standard de cette émission. Donc, si les gens appellent, ils vont tomber. Alors, écoute, si vous êtes... Je t'explique. Il faut que tu arrêtes de commencer toutes tes phrases par pour l'anecdote. Là, ça commence à faire vieux jeu, mon popo. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, c'est alors. C'est quoi ton secret? C'est quoi ce front? Non, mais franchement, comment tu fais? Tu fais quoi? T'es beau. Mais non, mais il y a rien. De l'huile de foie de morue. C'est quoi ton secret? C'est quoi ta routine beauté? T'as pas une ride sur le front? Rexaline. C'est quoi une marque de produits. il a vraiment donné sa routine skincare. Je suis sûr qu'il a une tonne de produits sur son lavabo. Oui, c'est mon ami. Certain. C'est mon ami Véronique Aloubry. Tu aimes les crèmes. Ambassadrice de Rexaline. Tu aimes les crèmes. Et qui m'envoie des crèmes. Tu te crèmes le corps. Oui, aussi. Est-ce que tu aimes te moindre le corps? Il faut se crèmer, non? Mais oui, bien sûr. Ah bah ça fait moins mal. Non, c'est oh, ça évite de dessécher. Allez. Ah non, reste heureuse. Non, viens, Laurent. Manu a préparé plein de choses. Alors, Zach, franchement, une fois que tu as fait la barbe, qu'est-ce que tu mets sur la peau de ton client? Je suis sûr que à moi, il met une gifle. Une bonne claque dans la gueule. La barbe, il met une très haie, ça y est, c'est fini. Tu voudrais qu'il te fasse la barbe? Mais j'ai pas de poils. Dis-moi, Zach, tu leur mets quoi? Bah, des crèmes après rasage. Bah, voilà. Et ouais. Ben voilà. Moi, je crois quoi? Une crème, hein. Hein? Tu m'as jamais mis de crème? Non, je t'ai mis. Tu m'as mis une crème? On parle du visage, hein, pas des fesses. Pas des... Après, ça devient intime. Mais c'est... Ouais, alors, pour ceux qui ça peut intéresser, il fait le sif aussi. Cette émission a pris une autre direction. Le sillon. Ah, il le fait très bien. Mais à l'huile d'argan. C'est pas... Écoutez, oui, pourquoi pas. Manu, on joue. Allez, les enfants. Allez, on rappelle quand même, et c'est important. Merci, qu'on est bonne, là. Très bonne anecdote encore. Ah, bravo. Je veux bien que tu marques le nom de cette Séverine quand même, parce que je lui envoie des fleurs. On est quand même là, je le rappelle, pour les Restos du Cœur, et pas que pour se faire le sillon interfessier. C'est important. Et que cette cinquième saison des Restos du Cœur, c'est pour la petite enfance, et que c'est important de faire des dons. On en est à 135 665 euros collectés. Je rappelle qu'un don, par exemple, de 100 euros, après déduction fiscale, ça vous coûte que 25 euros. Exact. Et ça permet d'accompagner un bébé pendant 3 mois. Et on est là pour qu'il y ait un maximum de kits bébés. Les kits bébés, c'est quoi? C'est un kit qui a des couches, du lait et des petits pots. Ouais. Et voilà. Et ça permet d'avoir voilà, que tous ces enfants-là puissent avoir ce qu'il faut pour démarrer dans la vie entre 0 et 3 mois. Donc 100 euros et on a 3 mois pour le bébé. Ouais. Ah, faites-le, les amis. Et puis on peut aussi proposer que si quelqu'un donne 1000 euros, peut-être que tu pourras allaiter un enfant pendant une semaine. Plus. D'accord. Hein, ça n'a pas bougé chez moi ici, tu vois, ça ne vieillit pas. Hein. C'est pour ça que je te félicite encore, ça n'a pas bougé d'un iota. Non, je me... Magnifique, docteur Cohen. Hein, il a fait un boulot de Non, tout de est folie. Nature chez moi, je ne toucherai jamais à quoi que ce soit. Mais c'est pas possible, t'as un visage de 25 ans. Ben bah, alors, qu'est-ce que tu veux? Quelle merveille. Ouais. T'as vu? Tu es sublime. Qu'est-ce que Mais tu veux crèmes. La crème de Zboub, ça s'appelle. Alors... Voilà pourquoi je suis pas venue avec ma fille. Non, des crèmes, je me mets de la crème sur tout le corps après chaque douche. Et rappelons après la crème de Zboub que vous pouvez faire des dons. Exactement. Sur. Vos dons, c'est sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org. Et si vous avez envie de venir avec nous, si vous avez envie de jouer avec nous jusqu'à 14h, vous pouvez nous appeler. On a un numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. J'ai préparé quelques petits jeux. On va faire un répond faux et gagne. Un répond faux et gagne. Le principe est très simple. Chacun votre tour. Mm-hmm. Je vous pose une question, vous devez répondre faux, rapidement. C'est-à-dire que si vous répondez juste, vous perdez. Ouais, putain, c'est dur. Un exemple. Okay. Myriam, dans une librairie, on achète des... Des bonbons. Des bonbons, absolument. J'ai failli dire des... Ben non, faut pas dire des... Ah, mais moi, je suis tombée dans le panneau. Vous avez compris le principe? Oui. Ok, tout le monde joue. Myriam, Karima, Arthur, Zach aussi, tu peux jouer. Zach, tu joues, hein. T'as Vous compris êtes prêt les règles? Ça va. Est-ce okay. que qu'est-ce que t'as compris? Ouais, c'est bon. C'est-à-dire alors, que si on pose une question, tu dois répondre? Ouais. Tu réponds? Non, tu réponds pas, ouais. Ok, je vais commencer par Zach. Ok. On vient de la poser, la question. Ouais. Dans une librairie, on achète des... Livres. Non, justement. Non. Non, mais non, il faut donner une mauvaise réponse. Oh. Dans des librairies, on achète des bonbons. Kebabs. Ok, vas-y. Ok, t'es prêt? C'est bon. Le président actuel de la France est... Side. Ok. Ça marche. Arthur, la courgette est... Est un fruit. Est un fruit, ça passe. Au tennis, Karima, on tape dans la balle avec une... Cuillère. Oui. Myriam, oui. Rouler une pelle, c'est embrasser avec la... Bouche. Mais non. Non. Mais non. Non, bah si. Mais non, c'est avec la langue. Ah, non. Bah oui, mais bon. Mais non, mais je suis nue. Repose-moi une question, s'il te plaît. Donne-moi un conseil sportif. Mange beaucoup. Ça marche. Zach, un chien dort dans une... Attends, voiture. Faut que l'info monte dans une voiture. Oui, ah bah, c'est... un chien dort dans une voiture, ça, ça passe. Peut dormir ça dans une voiture. Bien sûr, mais ça, comme ça peut dormir dans une voiture, du coup ça ne marche pas, mais on va dire que ça marche. Arthur, ton émission de télé le vendredi soir s'appelle Attention à la marche. Karima, les Restos du Cœur aident les gens à être heureux. Oui. Donc ça marche pas. Bah ça oui, marche ça marche pas. Mais je peux pas. Aide les gens à quoi? Les Restos du Cœur aident les gens à. À quoi? Non, je dis pas ça. Mais j'ai fait. Tu gagnes. Tu sais quoi, Myriam? Elle a dit mourir. Mais il est super dur ton jeu en fait. La parce violence que... Mais non, parce que tu veux tellement donner la bonne réponse que t'es obligé de chercher un truc complètement contraire. Mais absolument. C'est horrible. On continue. Arthur, qu'est-ce que tous les parents devraient apprendre à leurs enfants? À consommer de la drogue. Je pense qu'il faut la tuer. Ah, les bonnes celles-là, j'adore. Il est bon, celui-là. Ah ouais. Eh ben, je t'annonce qu'il sera dans le prochain VTEP. Ah ben, fais-toi plaisir. Tu me donneras cette petite feuille avant bien de partir. Sûr. Ah, c'est magnifique. Karima, oui. Quand tu conduis, avant de tourner, tu dois faire quoi? Je dois danser. Tu dois danser. Danser, bien bah sûr, oui. Évidemment. Toujours. Myriam, oui. À quoi sert un marteau? À faire l'amour. Oui. Oh. Réponds faux et gagne. Zach, tu as combien de sexes? 3. Arthur, Mbappé est un joueur de? De pétanque et de boccia aussi. Bien sûr. Karima, Jennifer est connue pour son métier. Elle est... pâtissière. Et ça rime. Et enfin, on va terminer avec Myriam. Ouais. Sous ta jupe, ou ton... Tu as quoi? Tu as un pantalon aujourd'hui? Non, oui. C'est une robe. C'est une... Sous ta robe, tu portes un... Un ours. Un ours. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a fait venir Zach. Il est très bon ce jeu. Je l'adore. Je te l'adore. Je vais faire une photo. Je vais l'envoyer à mes équipes. Ils vont travailler 8 jours. Et ben voilà, c'est pour toi. C'est excellent. Et tu sais comment on va l'appeler? Comment? Le quiz de Manu. Allez, avec plaisir. La classe. On va écouter les enfoirés et on continue à jouer. Je t'ai dit, garde-le-moi, tu me l'as rayé. Bah oui, non, parce que je rayais les questions pour me souvenir que je n'avais pas posé déjà. Regarde-moi ce psychopathe. Ah, ça, c'est un truc. Une signature. Ça, c'est un truc qu'ils étudient dans les écoles de profiler. J'ai une autre version sans rayure. Ah, d'accord. J'ai toujours un double. Un double. Bah, parce que je suis un professionnel, tout simplement. Ouais. Parce que si je le perds entre ici et ma chaise, eh ben je l'ai. Voilà. T'es pas du tout angoissé, quoi. Non, pas du tout stressé. J'en ai aussi un dans la voiture et un chez moi. Et j'ai une personne que je peux appeler à tout moment qui a aussi un double chez elle et qui peut l'envoyer à la police si mon témoignage n'est pas passé. Pardon, excusez-moi, je regarde trop de séries. 13h14, les enfoirés, c'est Radio Resto et on est avec Arthur, avec Karima Charny, avec Myriam Calas, avec Zach, le coiffeur des stars, jusqu'à 14h. Les portes closes et des nuages sombres, c'est notre héritage, notre horizon. Le futur et le passé nous encombrent. Avez-vous compris la question? Non. Vous avez tout. Toute la vie. Charrier avec mes chansons tout à l'heure. Bah quoi ? Non, mais je dis ça, je dis rien. Pardon, le micro est allumé. 13h17 et on est là avec vous jusqu'à 14h, c'est Radio Resto, plein d'animateurs, plus de 50 animateurs radio de différentes radios qui sont ensemble. C'est ce que j'adore, ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas les Restos exactement. Du cœur. C'est dans la vraie vie, ouais. C'est... Exactement. Et pourtant, il y a un truc qui me gêne depuis le début, c'est qu'il y a les voix de toutes les radios et comme c'est le week-end et personne n'écoute la radio le week-end en général, on aurait dû faire un truc pour que ce soit diffusé sur toutes les radios en même temps. Alors, l'idée de base, c'est... Et là, les Français ont le droit de savoir, monsieur. Je vais vous donner une réponse. Parce que l'idée comment de base. Ça se fait qu'on n'ait pas réussi à alors, le faire. Alors ça. Écoute-moi. L'idée de base, c'est Laurent Petit-Guillaume qui l'a eu. Oui. Et il est où Laurent Petit-Guillaume ? Faites-le venir. Il est dans un coin. Il va beaucoup aux toilettes. Il fait les allers-retours. Il n'a pas sa couche confiance. Et voilà, bon, c'est le problème de Laurent. Et au départ, l'idée absolue, c'était ça. Mais c'est oui. Que toutes les radios diffuse. De France diffusent le programme Radio Resto. Alors, toutes les radios, t'emballes pas, fais les trois plus grandes. Mais oui, mais le problème, c'est qu'après, pourquoi t'en fais que trois ? Tu vois, c'est voilà, ça. Alors, faites-les toutes. Et ben voilà, mais pour faire toutes les radios, t'imagines la complication. Mais pas du tout. Pas du tout. Oui, mais t'imagines combien on récolterait ? Mais on récolterait des zéros en plus. Appelez-moi Laurent Petit-Guillaume. Qu'on m'amène Laurent Petit-Guillaume. Amenez-moi le LPG. Accusé, présentez-vous. Non, mais tu vois pourquoi Énergie, Fun, Europe 2, mais Skyrock. Dans l'absolu, ce serait extraordinaire. Mais ça serait une révolution. Et alors, on ferait. Je vous explique, parce qu'en termes de business, t'es pas encore au level. Non seulement il faudrait, alors peut-être pas dans 48 heures, mais qu'il y ait au moins une journée, on va dire toute la journée du samedi. Ouais. Et les écrans publicitaires de toutes les radios vont au Resto du Cœur. Ah, mais oui. Mais voilà. Mais ou alors. Ça, c'est de la générosité. Viens ou alors, ici. Viens, il y a des idées là. Laurent Petit Guillaume. Tu en prends plein la gueule, mon Lolo. Il y a Arthur qui a posé une bonne question. Pourquoi on passe pas sur toutes les radios ? Ça, c'est anecdotique, mais je. Ah, il y a une anecdote. T'as perdu. Non, mais j'ai dit qu'au départ, c'était ouais, l'idée absolue, voilà, c'était écoute, ça. Ce qu'il faut. Parce que les radios veulent pas, mon vieux. Non, ben on va se démerder. Peut-être 48 heures, c'est trop long, mais peut-être, par exemple, toute la journée du samedi, tu vois. Parce que personne n'écoute la radio le samedi, on est d'accord. Ouais. Tu prends les trois plus grosses radios pour démarrer. Ouais. Et en plus, les écrans publicitaires de la journée du samedi iront pour le Resto du Cœur. Eh ben écoute, tu t'en occupes, on en reparle l'année prochaine. Non, mais, il faut leur mettre la pression. C'est vrai. C'est il faut vrai, dire, ah, vous ne voulez pas ouais. Les Français sauront. Les Français vont le savoir. Exactement, exactement. Si tu veux, écoute, si tu veux, je fais les rendez-vous avec toi. D'accord. Voilà, ce sera. Bon, non mais sérieux. Prends si le tu veux, je ferai le si rendez-vous avec toi. Viens avec nous. Non, il faut qu'on y aille. Il vaut mieux pas, je pense. Non mais ce que je veux dire, c'est que je te jure, ouais. Prends les rendez-vous avec les grands patrons des radios, ok. Tu leur dis, le roi est en ville, ok. On y va ensemble. Ça y est, il est revenu. Il y aura le carrosse. Et moi, je me chargerai de les convaincre. Ok, d'accord. Mais alors, il faut qu'on aille voir vraiment. Mais alors, les patrons de toutes les radios. On va voir les patrons de toutes les radios. Non, et on dit, vous voulez le faire ? Ok, vous voulez pas le faire ? Eh ben, vous le faites pas. Voilà. Ben oui, c'est un peu la vie en général. Tu veux pas. C'est ça. Non mais ce que je veux dire, je suis certain. Que si ça dure pas 48 heures, ouais. Il y aura un Radio Resto pendant 48 heures, mais peut-être une émission de 4 heures avec c'est tout vrai. Le monde. C'est vrai. Ça, on peut, voilà, et on l'a vrai. Fait tout en petit truc, ça peut être pas mal. Exactement, et on l'a fait en live. C'est vrai. On fait une émission de 4 heures, on l'a fait en public, avec sur le même plateau Manu, Guillon, Nagui, toutes les voix du moment, toutes les stars du moment, de toutes les radios, et les écrans pubs pour les Restos du Cœur, on va pas s'endormir avec 130 000 euros. On fait venir des artistes pour chanter et tout, c'est archi faisable. Ben, c'est archi faisable. Non, mais dans l'esprit. Dans mon esprit. Oui, dans l'esprit. pas besoin d'artiste pour chanter. C'est la radio qui se mobilise pour les Restos du Cœur. Les chanteurs, ils le font déjà. Oui, bien sûr, mais c'est pour créer une émission. Il y a un truc avec des chanteurs pour les Restos du Cœur. Mais cette précision dans la formulation de Laurent Petit Guillaume. Non, mais il connaît son sujet. Non, mais franchement, appelle-moi un directeur de radio. Allez, on y va. Le tien. Appelle Gaël. Et c'est quoi le numéro de ton Le mien, moi, il est un mariage. Qu'est-ce qu'ils font un mariage J'en sais rien. Mais je suis sérieux. Voilà ce qu'on aurait dû faire. Je reviens demain. Vous prenez les numéros de téléphone de tous les directeurs des radios. Je les appelle en direct. On n'est pas arrivé tout en haut de la chaîne alimentaire pour être diffusé sur le câble. C'est pas difficile. On les connaît tous en plus. Exactement. Puis en plus, tu sais, on y va ensemble. Il y a toujours un respect pour les anciens. C'est vrai. Ils nous écoutaient quand ils étaient petits. Zach m'a dit qu'il faut que tu refasses ta couleur, par contre, il m'a dit. Je suis un des rares dans ce métier à n'avoir jamais fait de couleur. Moi aussi, jamais. C'est vrai? Ah, jamais. J'ai tout refait sauf les cheveux. Écoutez, laissez-moi au moins la couleur. T'as pas de cheveux blancs? Non, si, j'en ai un peu. Un petit peu, côté. Ouais, c'est bien. J'ai hâte que ça grisonne en bas. Écoute, tu verras, ça grisonne et ça disparaît. Ah bon? Ça part tout seul. Un petit poulet. Ouais. Alors, Manu, excuse-nous. C'est bien. Non, mais moi, je vous écoute. On parle de skincare. J'adore ça. C'est vachement bien. L'idée, elle est bien. Et puis, si chaque voix importante de chaque radio, comme toi, à Énergie, comme Bruno sur Fun, allait voir son patron et disait on le fait ou je démissionne, je peux te dire qu'il y a ça. C'est ça que t'appelles la pression. Voilà, il t'a donné un choix à faire, là, en revanche. Moi, je vous dis, moi vivant, l'an prochain, Radio Resto, ça passera sur toutes les radios de France. Non, mais on peut faire, honnêtement, il y a peut-être possibilité sur 4 heures de faire sur une quelques grosses radios. 4 heures et tous les écrans pubs. Et on leur donne rendez-vous pour la suite sur le site. Ouais, exactement. Et tous les écrans pubs sont donnés au Resto du Cœur. Bon, je vais aller voir le président des Restos du Cœur, je lui en parle, je pense qu'il est extrêmement d'accord. Et on organise ça. Il est là. Dis-moi, tu vas au ski après, Laurent? Je vais t'habiller ton petit pull de neige. Voilà, tu vois pourquoi je vais m'en aller tout de suite de ce studio. Mais non, reste avec nous. Arrête, tu sais qu'on t'aime. D'accord. Toutes ces années, moi, je l'ai connu. Non, c'est moi qui t'ai connu. Petit débutant. C'est vrai. Ouais. Laurent a connu la radio, petit débutant. J'étais marré, il y avait Bruno. Je veux faire un spectacle comique, je veux monter sur scène, je veux faire des sketchs. Il me faisait lire ses sketchs, je lui disais non, ça, c'est des blagues c'était de carambar. Il m'emmenait déjeuner dans un restaurant, manger que des pâtes au saumon, parce que c'était un restaurant, cachère. Il y avait des pâtes au saumon. Ouais, rue Pierre Lescot. Alors, vous savez, moi j'ai compris un truc. C'est passé un certain âge, on sort des anecdotes qui n'intéressent personne. Je ne savais pas, c'est vachement bien. Je disais, mais non, je lui disais, je vais faire de la télé, mais non, jamais de la vie. Non, alors, moi qui connais bien Arthur depuis maintenant, pareil, très très longtemps, il a toujours eu un truc, c'est qu'il dit des choses. Et si elles ne se passent pas, tu dis, mais non, et bien elles se passent après. Oui, c'est vrai. Tu vois, ce truc de je veux faire de la télé, je veux faire des projets. Mais et moi le nombre, je me rappelle de la scène, mais on était à l'époque, c'était Fun, donc c'est les années 90, donc c'est 20 ans avant qu'il fasse de la scène. Il me dit, j'écris un spectacle. Moi il le disait. Donc, j'ai mis du temps à l'écrire. Il a dû apprendre à écrire, à lire, et ensuite il a fait bon, je vais acheter les auteurs. Après il disait, je vais faire une émission de télé, alors les invités, je les mettrai dans une baignoire remplie d'eau. Je dis mais ça va pas, il y en a aucun qui va accepter. C'était quoi ça? Je ne sais pas de quelle émission il parle. Mais si, mais tu t'en souviens pas, mais moi je m'en souviens. La baignoire remplie d'eau. Il disait ça. Mais non, mais c'était tes idées. Sans arrêt des idées comme ça qui venaient. Est-ce que ça serait pas une autre anecdote de Laurent Petit Guillaume? La mémoire de la radio, Laurent Petit Guillaume. C'est une très belle histoire. Et je vous ai parlé de sa peur des insectes. De quoi? Sa peur des insectes. D'Arthur? Ah non, vas-y. Ouais. Et des fantômes la nuit. T'as peur des fantômes et des insectes? T'as perdu 10 points dans mon destin. Je crois qu'il me confond avec les pas du tout les vacances à Gordes. On était dans une maison hantée. Il y a des insectes. Il y a des insectes. Si, je vois, il y a des insectes. Mais non, il n'y a pas d'insectes. C'est vrai qu'on allait en vacances ensemble. Des insectes et tout. Vous faisiez quoi dans une maison hantée? Il avait l'impression que c'était hanté. Non, Arthur est un des plus gros. T'es lui en top 3 des trouillards du monde. Ah ouais. De toute manière. On est d'accord. La chauve-souris. La chauve-souris. La chauve-souris. Manu, la chauve-souris. On en reparle de la chauve-souris. Ça, c'est une vraie anecdote. On avait loué une maison en Corse, ok. Oui. D'ailleurs, je me présente mes excuses au propriétaire de la maison, puisqu'on leur avait défoncé le portail. Parce que Manu, quand il fait un créneau, J'avais oublié. Alors, ça, c'est une autre anecdote dans l'anecdote, mais j'avais oublié d'enlever le frein à main. Donc, je sors de la voiture. La voiture, elle tape dans le portail à la fin, voilà. Et en fait, quand on était parti de la maison, on avait un peu rien dit au propriétaire. Et à chaque fois que l'un de nous va en Corse, il passe devant la maison, il prend une photo du portail et il l'envoie aux autres. C'est génial. Et alors, il y avait une chauve-souris. Mais ça fait 25 ans l'histoire. C'était une maison avec des, comment on appelle ça, des arcades. Non, pas des arcades, une charpente ouverte et il y avait une chauve-souris. Une charpente ouverte. Non, c'est, le truc c'est on va se coucher. Ouais. Le soir, tout le monde va se coucher dans les chambres. On commence à se reposer et à un moment on entend moi, paniqué, j'y vais pas, je ferme ma clé. Il y a une chauve-souris. Non, mais autant que je sois là pour raconter ce qui s'est passé à la presse, tu vois. Donc, il y a une chauve-souris. Et une chauve-souris dans ma chambre. Je descends, il dit, il y a une chauve-souris dans la chambre. Bon. On décide de l'évacuer. Mais sauf que là, le taré, il nous propose un truc qui n'existe pas. J'avais été chercher après. Il nous dit, pas de panique, je sais ce qu'il faut faire. Il faut mettre une serviette sur la tête. Parce que il y a une légende qui dit que les chauves-souris s'agrippent aux cheveux des gens et les gens peuvent les soulever, c'est pour les amener dans le ciel. Alors que c'est impossible. C'est totalement faux. Mais il nous fait tellement flipper. Putain, Manu, mets et là, on se retrouve avec des torchons de cuisine, on aurait dit des djihadistes. Je te jure. On aurait dit des mecs du Hezbollah avant hier soir. Et donc, on arrive avec des balais et tout ça. Et on fait sortir et je vais raconter. C'est quoi la fin. Oui, mais avant, avec quoi on l'a fait sortir? On ramène, il y avait une piscine, et on ramène l'épuisette. L'épuisette. Et là, Arthur, comme ça, avec son épuisette, et tac, et un moment réussi. Avec, donc, imagine, t'as 5 personnes avec des serviettes sur la tête, quoi. Malade. Il dit, je l'ai coincé. J'attrape la chauve-souris. Je sors de la chauve-souris, et elle monte vers le ciel, et on la voit dans la lune comme Batman, tu vois. Ouais. Et là, elle repique vers nous. Moi, je rentre, je ferme la baie vitrée, Manu, il arrive, il se prend la baie vitrée. Comment? Mais vraiment, j'ai cru qu'il était mort. Je suis tombé dans les pommes. Oui, je te jure. Mais parce qu'on voit la chauve-souris qui revient comme ça. Mais putain, elle nous en veut, elle va nous défoncer la tête. Elle était grosse? Ouais. Mais non, mais. Non. C'est énorme, Batman. Mais t'en as des grosses. J'ai quand cette même. Image, je te jure. On est au milieu de la nuit, la chauve-souris qui monte, il y a la lune, et elle plonge vers nous. Et je vois qu'elle va. Je dis, Manu, elle revient. Je rentre, tout le monde rentre en courant, sauf Manu. Je ferme la baie vitrée, il arrive à fond la caisse. Il sait que... Et c'est pour ça le nez. Les gens pensent qu'il est né comme ça. Au départ, j'ai un petit nez en trompette. Il avait un nez de. Un petit nez tout fin, tout. Vraiment, un petit nez de rien. Oui, c'est vrai. Non, mais on dirait une scène de film. C'est personne n'a filmé, il n'y a pas de photo, il y a rien. À l'époque, on filmait pas. À l'époque, on n'avait pas les smartphones, on utilisait notre cerveau, notre mémoire. Regarde, est-ce que notre mémoire n'est pas plus précise aujourd'hui que d'une photo sur un téléphone qu'on n'aurait jamais retrouvé? Oui, bon, moi je vous verrais avec des serviettes sur la tête et je rigolerais. Ouais, mais on est bien content qu'il n'y ait pas de témoins de certaines choses à l'époque. Dont celle-ci. C'était tellement marré, mon Dieu. Ah là là là, t'étais là toi Laurent, non? Non, j'étais pas en Corse. Non, moi j'étais. Non, mais j'étais dans le Luberon. J'étais avec Jade dans le Luberon. Oui, c'est vrai, avec Jade. Toujours été snob. Manu. Bon, Manu, donc. Au niveau des. On peut faire un petit point sur les dons. On en est à 135 455 euros qui sont collectés. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. On est à combien de pourcentage du 150 000? On est à 91% parce qu'il y a des paliers de 50 000 en 50 000. D'accord. Je vous rappelle qu'avec 50 000 euros. C'est un maximum de blé. Avec 50 000 euros, il y a 100 bébés qui sont accompagnés pendant un an. Ah, c'est bien. Grâce à vos dons et grâce au Resto du Cœur. Et aussi que quand vous donnez 100 euros, il y a 75 euros qui sont déductibles de vos impôts, donc ça ne vous coûte réellement que 25 euros. Mmh. Exactement. Exactement. Et si vous faites un don de 100 euros, eh ben, ça fait un bébé qui est accompagné pendant 3 mois. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Oui, exactement. J'avais dit avant ? Oui, un petit peu. Ah ouais, c'est bien de le répéter comme une ça. Une heure et demie, il n'a toujours pas compris ce qu'il dit, Manu. Ah non, et alors? Et pourtant, il s'est déplacé dans ce qu'on appelle un bébé resto et il a. J'y suis allé, très bon moment. Mais tu sais, c'est des expériences. Tu sais, des fois dans la vie, t'as des expériences, tu prends une petite claque sur la tête qui te dit allez, arrête avec tes petites conneries et tes petits soucis, il y a d'autres choses plus importantes. Puis c'est sympa qu'il te laisse approcher les enfants maintenant, c'est bien, t'es sorti de cette période. Oui, ça y est, j'ai plus mon bracelet électronique évidemment. Et quand il est là-bas, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y quoi. Voyez ce qui se passe, voyez comment il parle aux gens, voyez les gens qui viennent. C'est une vraie expérience de vie. J'avais été avec Laurent. Il faut penser aux autres, voilà. C'est ça. C'est pas mal aussi. Déjà d'avoir à manger tous les jours, c'est un privilège, c'est un luxe. Absolument. Pensez à ceux qui n'ont pas de quoi manger et pas de quoi donner à manger à leurs enfants. Et vous pouvez faire des dons. Et dites-vous bien que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous pouvez y aller. Bah ouais, il y a des expériences de vie. Il y a des fois dans la vie, hop, ça part. Et ben vous revenez après. Il y a plein de gens, plein de témoignages de gens qui ont été au Resto du Cœur, qui ont eu besoin des restos et qui sont bénévoles après. Bah oui. Et c'est des belles histoires. Ça, c'est super, ça. Vous avez envie de donner, et ben vous pouvez le faire. C'est sur l'application Radio Resto ou sur radio.restoducœur.org. On va faire un vrai faux après. dans 2 minutes. Je vais vous dire des choses. Vous me dites si vous pensez que c'est vrai ou si c'est que c'est faux. Okay, d'accord. Voilà, c'est une idée de jeu que j'ai eue. Je la trouve très originale. Je suis un génie. C'est déposé. Ça peut marcher. C'est déposé, ne vous inquiétez pas. Vrai, faux. On se fait ça. Petit Guillaume, il fait du botox ou pas? Vrai ou faux? Faux. Eh bien, vous le saurez. Après Billy Ocean. J'ai vu le docteur Cohen et je sortais du cabinet. Il m'a dit, j'ai remis encore de la graisse dans les fesses. Je lui ai dit, il se prend pour Kim Kardashian, il m'a dit. Hein. C'est la Kardashian de la bande FM. Jusqu'à 14h, on est avec vous et on est plutôt pas mal. C'est quoi cette histoire de crème dans les fesses, quoi? Oh là là. Bienvenue, c'est Radio Resto, on est en direct sur l'application Radio Resto, sur radio.restoducœur.org, et si vous voulez nous voir, vous pouvez le faire sur l'application Radio Resto ou sur YouTube aussi, je pense que c'est la chaîne des Restos du Cœur, si je dis pas de conneries, mais je dis souvent des conneries. Non, c'est bien, non, c'est ça. C'est bien ça. Attends, je suis un professionnel ou pas? Alors, hyper impressionné. Je l'ai fait à l'impro. on est 2 heures avec Arthur, il y a Myriam Calas qui nous a rejoint. Bonjour. Il y a Karim Acharny qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Qui sera après avec Bérénice Bourgueil et plein d'autres filles aussi pour une émission qui s'appelait Olifille. filles. Exactement. Vous allez faire quoi? Bon, on va parler de trucs de filles. Ça va être trop cool. Des skincare routines, t'en auras plein. Reste bien ici. C'est une sorte de pyjama party, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Tu es invité. J'ai une annonce à vous faire. Allez. Ah. Tout à l'heure, Arthur a lancé une idée. Est-ce que tu veux rappeler ton idée? Mon idée était la suivante. Que l'an prochain, cette émission Radio Resto soit diffusée sur toutes les grandes radios de France. J'ai reçu un SMS de Gaël Sanquer, qui nous écoute. Gaël Sanquer, qui est le directeur des radios du groupe Énergie. Bonjour Gaël. Coucou Gaël. Qui nous écoute. Tout le monde écoute Radio Resto. Et il m'a dit, les quatre radios du groupe Énergie sont d'accord. Mais c'est mortel. Amenez-moi petit Guillaume. C'est les... Alors, petit Guillaume, s'il vous plaît. C'est le premier oui qu'on a déjà, les quatre radios. C'est Énergie, Nostalgie, voilà, Chérie FM et Rire et Chanson. C'est génial. Et on fait 4 heures, ce serait peut-être. Mais on fait Laurent Guillaume. T'as entendu ou pas? Quand TF1 a fait un sujet, j'ai regardé. Ils ont fait un sujet au 13h. C'était bien. Tu étais belle. Tu étais belle. On ne voit que toi. Non, on voit pas. On ne voit que toi. Donc tu n'as pas entendu l'annonce à l'instant de Manu. Qu'est-ce que Arthur a proposé tout à l'heure, quelque chose? Oui. Tu te rappelles? Que tu démissionnes si jamais. Résultat, les quatre radios du groupe Énergie sont d'accord pour diffuser l'année prochaine. Qui a dit ça? Gaël Sanquer. Il lui a envoyé un SMS. Qui nous écoute, qui est le directeur des radios du groupe Énergie. Qui c'est le roi de la radio? Qui c'est le patron? Donc l'idée, ce serait, faut caler le truc, mais on va le caler, on a un an pour le caler, ce serait pendant quelques heures que Radio Resto, pendant 48 heures sur le web, il faudrait faire le samedi matin, de 9h à 14h, un truc comme ça. Comme vous voulez. Tout le reste sur l'appli. Et je suis entendu à Gaël Sanquer, si les écrans pubs, c'est au profit des Restos du Cœur. Ah oui, il n'a pas parlé. Sinon, dis-lui, sors les photos, sinon, vas-y. D'accord. Il vient de me dire, déconne pas, c'est OK. C'est génial. Régis Ravanas, c'est quoi, c'est RTL? T'inquiète, c'est réglé. L'an prochain, sinon je viens pas. On va voir. En vrai, il en fallait un qui donne l'impulsion. Mais c'est exactement ça. On fait de la radio, on fait du podcast. Mais c'est quoi? Là, on est peut-être au tout démarrage de quelque chose qui va se faire l'année prochaine. Et l'an prochain, on aura un zéro de plus. Parce que quand on aura toutes les radios du groupe Énergie à qui on demandera de faire des dons au Resto du Cœur, ça va monter en pression. France Bleu, à mon avis, avec les 44 locales seront d'accord. France 2 et les 44 locales. France Bleu, pas France 2. France Bleu, mais tout à fait, toutes les radios sont les bienvenues. Voilà. Ok, donc tous les directeurs de radio, si vous voulez vous mettre à contribution pour les Restos du Cœur et Radio Resto, vous appelez Manu au numéro suivant. 06. Cette blague, on le fait tellement de fois. Elle marche toujours. On s'est donné, les numéros à l'antenne. Tu prends des oméga 3? Non, je prends par contre des probiotiques. Non plus. Je prends du collagène. Du marin. Voilà. Du collagène, c'est ça. C'est très tendance. En gélule, c'est ça, les petites gélules. C'est quoi du collagène? Tu prends pas du collagène marin? Pas du tout, moi. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle te donne pas du collagène marin? Manu, ta femme, elle te donne du collagène marin? Non, elle me donne de temps en un petit coup sur la tête, mais du collagène marin, c'est rare. Si vous prenez du collagène marin? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est réservé à une certaine frange de la population. Oui, c'est vrai, c'est passé à un certain âge. C'est au-dessus de 70 ans. On monte dans les dons, on en est à 141 000. Voilà, ça fait plaisir. Ce qui serait bien. Tu remercies le mec d'énergie, là, de ma part. Gaël Sanquer. Mais il nous écoute, il nous regarde. Merci Gaël. Merci Gaël. Parce que grâce à toi, ce Radio Resto va prendre un envol différent à partir de l'année prochaine. Ouais, bravo. Et ça, c'est pas mal. On est à 9000. Tu vois, pour une fois que vous faites quelque chose de bien dans le groupe Énergie. Non, attends. Et c'est là que le gars est foutu. Mais c'est ça, voilà. Gardons-les. Bien entendu, si on vous a pas retiré les fréquences d'ici là. Non, on peut vanner un peu là. L'impulsion démarre. Ça part de là, comme on dit. Exact. Tu sais, qu'on doit faire une remontada, qu'on est mené 8-0. Exactement, c'est le kick-off. Tu sais comment ça s'appelle en anglais? Ça s'appelle le kick-off. Eh ben, on fait un kick-off. On fait un kick-off l'année prochaine. J'attends maintenant, j'attends les autres et s'ils n'appellent pas aujourd'hui, on les appellera lundi. Mais là, les autres, tu vas pouvoir leur dire, regarde, les quatre radios du groupe Énergie sont là. Ils sont étonnés. Les quatre radios du groupe RTL, c'est sûr. Mais oui. Les 44 locales de France. Ah, je suis content. Ah bah, tu l'as lancé, t'as lancé le truc, hein. Bah, bien sûr. Puis après, on parlera écran pub. On va y aller par palier. Ça fait des années qu'on vient. Petit à petit. Franchement, on va pas se mentir et je vais te flatter, Laurent Petit-Guillaume. Ouais. Ok. Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Ouais. Réunir toutes les voix de l'histoire de la radio, pas uniquement ceux du moment, mais ceux qui ont été là il y a 20, 30 ans, 40 ans. Il y avait Gérard Klein tout à l'heure, quand même. Okay. Ouais. Incroyable. C'est une prouesse. Et cette prouesse doit être diffusée au plus grand nombre. Okay. Parfait. Je suis d'accord. D'accord. Hein, Manu? Moi aussi, je suis d'accord. On ira ensemble, comme je te l'ai dit, voir les directeurs des radios. Eh ben, il n'y a pas de problème. Mais tu t'habilleras pas avec ce pull. Parce que, sur la tête de ma mère, ce col roulé là. Il y a le capitaine Kirk qui te demande quand est-ce que tu rentres. Il est dans l'Enterprise. Non, moi je trouve ça très joli. C'est joli ce petit ouais. Ça te va bien avec voilà. Le petit liseré rouge. Tu vois quand même mal, c'est connu, je la regarde tous les matins dans mon jour. Mais t'as vu le pull qu'elle a tricoté sur elle, Karine? Je l'ai passé de l'aile, il s'arrête au nombril. Manu, t'es content? Je sais quand t'es ému, ma pupute. Ah bah c'est beau, c'est chouette ça. C'est génial. Gaël, tu es le héros de la journée. C'est vrai. Et ben voilà. Ah voilà, franchement, t'as pris le dessus sur Nasrallah. Franchement. Je vous propose un petit. Il nous reste encore 20 minutes. Un petit tu préfères. Vous connaissez les trucs classiques, tu préfères? Oui. Chacun votre tour. Ouais. Ça va, Zach? Zach, si vous pouvez arrêter de parler, parce que laisse les autres. Tu veux participer aussi, Zach? Oui, oui, bah, tu préfères. Ah, okay. Il faut bien que tu parles. Ouais, bien. Allez, on démarre. Okay. Myriam? Oui. Tu préfères avoir un troisième téton ou un orteil en plus? Un troisième téton. Ah ouais? Bah oui, ça peut servir. S'il y a un mec à trois mains. Moi j'en ai un troisième. T'as un troisième téton? Ouais. Ah merde. Je suis plus grand que ça, moi. Où ça? Bah là, mais c'est pas un gros, non, c'est un démarrage. C'est vrai, ça arrive. Ouais, c'est pas un grain de beauté, c'est un. Oui, j'allais dire, fais voir. Bah, je peux te le montrer. Hein. Oh, tu l'as déjà vu. T'as vu les quatre. Karima, oui. Tu préfères être toujours coincé dans les embouteillages mais trouver une place de parking parfaite ou ne jamais être coincé dans les embouteillages mais toujours prendre une éternité pour te garer? J'ai pas le permis, ça marche quand même. Okay, on passe à une autre. T'as ton permis pour aller dans l'espace? Non, mais ça, tout est jouable. Tu préfères visiter la station spatiale internationale pendant une semaine ou passer une semaine dans un hôtel au fond de l'océan? Un hôtel au fond de l'océan. Ah ouais? Ah non, oui. Non. Bah, en fait, j'ai déjà peur de l'avion, donc imaginez-moi m'envoyer dans l'espace, c'est impossible. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout, je vous ai tous déçus. T'as vraiment des goûts de merde. Hein. Tu me l'as enlevé de la bouche. Vous de chiottes, on a un océan là. Non, j'aime bien. Trois dauphins, une baleine, alors comme là-haut, ça, là, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Laurent, ouais. Tu préfères te détendre au bord de la plus belle piscine du monde ouais. Ou sur la plus belle plage du monde? Ah non, la piscine. J'aime bien aller en vacances chez des gens riches. Et qui ont des belles piscines. Tu sais qu'il y a des gens qui ont des plages, sur la plage, on ne sait jamais. Il y a toujours des gens qui traînent. Il y a des maladies, il y a toujours des trucs comme ça. Ah, il y en a deux. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui ont les. J'ai vu tes photos d'été cet été. Monsieur, il joue au golf là sur les plages. Il est tout seul. Pouf, il envoie la balle dans l'eau. Paf. C'est des balles en bouffe de poisson, tu sais. Hein. Mais oui. Ah ouais. Ben oui, c'est en on ne voit pas des balles en plastique dans l'eau. Ah, très bien. Je me suis fait lyncher sur les réseaux mais quand oui, j'ai mis cette photo. Ah, oui. En fait, c'est une société américaine qui a créé des balles avec de la nourriture pour poissons compressées. C'est le même poids, la même résistance qu'une balle, pour les golfeurs, bien sûr. Et quand elles tombent dans l'eau, elles se dissout c'est avec génial. L'eau. C'est génial, c'est excellent. C'est et après, tu pêches en plus, ça les fait venir tous. Non, alors du coup, mais. Ah, c'est génial. C'est malin. C'est excellent. Tu savais pas? Non. Mais moi, je suis vachement écolo. Ah, c'est bien, bravo. Arthur, tu préfères que quelqu'un voit toutes les photos de ton téléphone ou qu'il lise tous les SMS? Non. C'est une bonne question. Ah, bah, moi, j'ai rien à cacher, vous pouvez lire mes SMS. D'accord. Bah, j'ai pas de photos à cacher non plus. Mais... Non, c'est que les photos, non, elles sont très bien cachées. Non, mais moi, de toute façon, j'efface tout le temps sur mon téléphone. Ouais. J'ai toujours peur Pourquoi qu'il tombe. Je parle à des gens très importants. J'ai toujours peur que mon téléphone tombe et que quelqu'un tombe dessus et tout, tu vois. Ouais, puis les SMS que j'envoie à Karima et à Koukaboura, j'aurais pas. Surtout les photos de mon troisième téton. Zach. Tu préfères éternuer à chaque fois que tu dis bonjour ou avoir envie de faire pipi à chaque fois que tu poses une question? Allez, lance-toi. Pipi. Là, oh, c'est très court, hein, la réponse est. Ah, il est très court. Attends, en fait, il répondait pas à la question, il veut juste dire qu'il a envie de faire pipi. Ok, si quelqu'un peut s'occuper de Zach. S'il vous plaît. Zach, hein, c'est gratuit. Un dernier tour. Allez. Myriam, tu préfères sortir avec quelqu'un qui a un ex envahissant ou des parents envahissants? Waouh! Tu veux qu'elle sorte avec des parents envahissants? L'ex, non. Tu peux le taper? Ouais, l'ex, avec un ex envahissant. Ah ouais? Ouais. Ah. Les parents, c'est chaud quand même. Hein. Oui. Karima. Oui. Tu préfères vendre tout ce que tu possèdes et prendre la route en camping-car ou avoir tout ce que tu veux à portée de main mais ne plus jamais pouvoir voyager? Oh là là. Ah! Oh. Dur. Ouais. Le camping-car. Tu pars en camping-car? Oui. Ok, d'accord. Mais avec quelqu'un qui a le permis, je le répète. Ah oui, c'est vrai que c'est. Ah oui, j'ai toutes les questions. C'est fou, ça tombe à chaque fois sur toi. T'as un mec carrément ou quoi? Bah non. Ah, t'es en jachère toi bah aussi? Bah oui, t'es en jachère. Mais ça va. Hein. Toi et toi, Koukaboura. Koukaboura, quand elle répond pas, c'est qu'elle est en main. Non, non, ou mais pas. Mais comment ça se fait qu'une jolie fille comme toi, elle n'a pas un mec? Eh bah, ben, très bonne question. Écoute, pose la question avoir, autour de on arrive à avoir des radios qui diffusent, on peut trouver un mec. On va lancer un appel. Ma mère t'a remercié. On peut l'inclure dans le prochain truc de Radio Resto. Karima, c'est quoi ton style de mec? Intelligent. Ouais, non, mais moi je suis pris. C'est quoi ton style? Le style qui est passionné, mais qui peut être un partenaire de vie. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble dans le même. On dirait que c'est un séminaire de la Socapec. D'abord, c'est pas une réponse à Et puis beau gosse, si possible. Mais voilà, il faut dire un mec beau gosse qui m'attrape, qui me tire les cheveux. Ah non, non, touche pas à mes cheveux. Ah oui, mais là. Et puis j'ai changé de cours, je veux plus qu'on me touche. Ça va bien. Question. Ah, c'est ça le secret anti-rides. C'est ça. Une petite question pour Laurent. Allez. Tu préfères être toujours coincé dans les embouteillages ou avoir toujours une connexion internet terriblement lente? Ouais, mais c'est pas grave, tu seras coincé quand même. Connexion internet. Connexion internet. Ouais. Arthur, tu préfères laisser ta femme choisir tous les films que tu regardes ou tous les restaurants où vous allez? Dans les deux cas, je préfère mourir. Elle va être contente, dis donc. Je préfère la laisser dans les restaurants parce que moi, je m'en fous de la bouffe alors qu'elle est passionnée de la bouffe. Et elle peut me faire traverser des villages, des villes, des kilomètres pour m'aller dans un restaurant où elle trouve ça extraordinaire. Alors que, elle adore ça. J'ai une femme, elle est dingue de bouffe. J'ai jamais vu ça de Mais c'est bien. C'est bien, c'est tant mieux. Elle t'amène dans des trucs. Ah oui, elle est mince comme. Mais elle mange pas. Elle adore juste la déco des restaurants. Et alors, je suis marié avec une femme qui peut manger 5 hamburgers et à la fin, elle se pèse, elle a maigri. Ça sort par où? Je peux la buter, je te jure. Je peux la buter. Il y a un robinet quelque part. C'est des natures. C'est-à-dire que moi, la regarder manger, je grossis. C'est fou, hein. Moi aussi, je suis comme ça. J'en ai encore deux. Allez, l'avant-dernière pour toi encore, Arthur. Tu préfères aller tous les jours à un club de lecture ou une fois faire un combat de MMA? Je prends le MMA. Ouais, c'est vite fait, c'est réglé. De toute façon, ça va pas durer longtemps. Je vais rentrer. Bonjour, monsieur Bim. Au revoir, monsieur. T'as déjà fait du MMA? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ce qui me maintient en forme. Mais toi, je t'ai connu, t'allais tout le temps à la salle de sport. Mais je continue. C'est vrai? Bah ouais, bien sûr. Bah après, maintenant, j'ai les articulations qui déconnent un peu. Tu sais, l'arthrose, des trucs comme ça, mais j'entretiens. Zach? Une petite dernière pour Zach? Ouais. Allez. Zach, tu préfères être coincé dans un ascenseur avec ton ex ou avec avec le mari de ton ex? Avec mon ex. Avec ton ex. Ouais, bah ouais. D'accord. Sinon, ça se termine en MMA, c'est ça? Ok, on a fait le tour des tu préfères. Ouais, très bien. On était plutôt correct. Est-ce que vous avez un message? Tout ça passé à votre ex. Laurent? Tout va bien. Est-ce que le compteur a augmenté? C'est ce que tu demandes à ton ex? À tout le monde. On en est à 141 790 euros collectés depuis hier soir. On s'approche du prochain palier. Le prochain palier, c'est à 150 000 euros. Et pourquoi on fait des paliers de 50 000 euros? Parce que avec 50 000 euros, c'est 100 bébés accompagnés pendant un an. Exactement. Avec des kits bébés. On rappelle que c'est pour ça qu'on est là, pour les Restos du Cœur. Et c'est pour la petite enfance, pour cette cinquième saison des Restos du Cœur, pour avoir des kits bébés, un kit bébé. Karima, tu peux le rappeler. Un kit bébé dans ce qu'on retrouve dedans. On retrouve des couches, on retrouve du lait, on retrouve des petits pots. C'est très important. Et oui, évidemment, on vous demande pas de faire un don de 50 000 euros. Quoique. Si vous pouvez, faites-le. Un don de 100 euros, c'est 25% seulement après réduction fiscale et c'est un bébé qui est accompagné pendant 3 mois. Et c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Voilà. Des sous pour les bouts de choux. Donc, vous envoyez vos sous, c'est tout simple, radio.restoducœur.org. Ou sinon, il y a une app et vous donnez ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est de donner. Exactement. On a des gens à prendre au téléphone Est-ce pour terminer. Est-ce qu'on a dit merci à Gaëlle? Mais on l'a dit, merci. Mais tu Gaëlle, qui va diffuser cette émission sur les radios du groupe Énergie l'année prochaine. Ouais. C'est comme s'il n'y a pas d'autres patrons de radio. Moi aussi, qui je suis en train de voir s'il n'y en a pas un qui m'envoie un texto. C'est un peu la grosse info quand même. La grosse info, c'est qu'il y a quelqu'un qui écoute cette émission, Manu. Donc c'est une idée qu'a lancée Arthur tout à l'heure, c'est plutôt que ce soit uniquement sur le web, sur l'application Radio Resto, qu'un maximum de radios puissent diffuser quelques heures. Régis, absolument, parce que c'est quelqu'un de. Et Gaël Sanquer, qui est le directeur des radios du groupe Énergie, et puis s'est engagé et à Radio dire France d'accord aussi. Sur ouais, tout. Radio France, moi, je m'occupe. Et Radio France aussi, c'est bon. Bien sûr, je vais y aller. Bien sûr, je vais y aller. Et puis les grandes radios de province aussi, les radios France Bleu et tout ça, bien sûr. Les radios régionales, les web radios aussi. Voilà. Demain matin, faire la matinale avec un animateur. Ça va être génial. En fait, l'idée, c'est pas qu'on soit écouté par le plus grand nombre. L'idée, c'est qu'il y ait le plus grand nombre qui fasse des dons. Exactement. C'est ça le plus important. C'est vrai. C'est vrai, c'est le principal. On a des gens au téléphone. Ah, c'est vrai. Et on a une surprise pour Arthur. Ah. Il s'appelle Fabrice. Il a fait de la prison avec toi. Fabrice, non, c'est pas vrai. Fabrice, bonjour. C'est faux. Bonjour Manu, bonjour Arthur, bonjour Myriam, et bonjour Karima. Je suis love de vous, vraiment, et de votre voix, surtout Myriam, et puis, et puis Karima, je trouve délicieuse. Merci. Il est gourmand, dis donc, c'est qui? Je suis love de vous, il a dit. Il s'appelle Fabrice. Vous pouvez nous voir sur l'application, sur YouTube, et sur l'application Radio Resto aussi. Mais nous, on ne peut pas le voir, malheureusement. Non. C'était ton moment, c'était ton moment pour moi. C'est l'appel d'Arthur, ça. Fabrice avait, apparemment, il y a une connexion avec Arthur, c'est ça? Peut-être une anecdote. Anecdote. Alors, pour info, tout à l'heure, vous parliez du lycée Sustet de Coulanges. Et il se trouve que j'ai passé une épreuve l'épreuve d'espagnol du bac là-bas. Voilà. C'est déjà ça. Je me souviens de la prof qui m'avait fait passer. J'avais 14, voilà. Ben, elle m'avait mis 14, voilà. En fait, Fabrice nous appelle pour dire qu'il a eu 14 en espagnol au bac. Il a eu 14 en espagnol. N'hésitez pas, dites-nous. En espagnol, dans le lycée où j'étais. Avec Marie-Pierre. Si vous avez d'autres anecdotes aussi chouettes, par exemple, si vous avez la même température rectale qu'Arthur lorsque vous avez une grippe, ça peut faire aussi une belle anecdote. On prend la séquence sur la. Je suis parce que je n'avais pas eu de bonnes notes partout. Donc voilà. Ah ouais, super. Donc en fait, t'as passé l'épreuve du bac dans le même lycée qu'Arthur, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est incroyable comme histoire. Ça, c'est un sacré lien. Mais j'imagine que beaucoup de journalistes t'ont déjà interviewé là-dessus, que t'as eu des reportages sur toi, Fabrice. C'est une caméra cachée. Et on s'est déjà vu. Mais tu as quel âge? J'ai 39 ans. Ah oui, c'est 20 ans. Oui, alors ça n'a vraiment rien à voir avec Arthur au moment où il passait le bac, on est d'accord. On aurait pu se croiser. Mais on a un bon concept de j'ai une histoire incroyable avec une star à peu près. À peu près. Et bravo Laurent. C'est tout ce que tu as comme lien avec Arthur? À part que j'aimais bien, je me souviens des enfants de la télé au tout début sur France 2. Alors là, super bien. Alors je promets à Gaël qu'on va s'améliorer d'ici l'année prochaine. Tu sais, c'est le genre d'anecdote. Tous les jours, je te jure, quand je me balade dans la rue, il y a un feuge qui vient me voir qui me dit tu as le bonjour de Martine. Qui c'est Martine? Martine, tu vois la boulangère qui est en face du pharmacien à Massy, sa tante. Elle était à la gym avec ta mère il y a 30 ans. Et elle te dit bonjour. Et comme ça, on marche dans la rue, elle me dit bonjour. Oui. Oui. Bon. Merci Fabrice. Bravo Fabrice, ça fait plaisir. Dernière anecdote aussi. Attendez, parce que déjà, celle-là, on est à 11 sur 10. Donc alors, c'est Arthur, quoi la dernière? Allez, fais-le rêver. Je ne sais pas si Arthur se souvient d'Eduardo qui chantait Je t'aime le lundi, qui passait beaucoup dans vos émissions. Ouais. Et bon, Eduardo me suit sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, on est vraiment sur une connexion très très forte, très puissante. Est-ce qu'on vient pas d'inventer un nouveau concept d'émission? C'est bon, ça. Gardons cette idée. Gardons cette idée pour l'année prochaine. Ah ouais, les anecdotes de près ou de loin. De loin. De loin, de très loin. Le plus loin possible. Et ben voilà, on a un autre concept pour l'année prochaine. Wow. En tout cas, Fabrice, tu nous as bien fait marrer. Hein. Ah, j'adore. Je garde cette année, cette idée. Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé. Bonjour, c'est Jean-Claude. J'appelle parce que tout à l'heure j'ai écouté l'émission et Arthur a dit qu'il avait mal au dos. Et ben moi aussi. Tu ne crois pas si bien dire, nous avons Roland au téléphone. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Bonjour Manu, bonjour Arthur. Je suis mort de rire, il m'a tué. Hein, mais je pense que tu peux faire mieux Roland. Est-ce que tu peux nous trouver une connexion la plus lointaine possible avec Arthur? Je vais essayer. Non mais Arthur, franchement, j'ai déjà co-animé une émission avec lui, mais je pense qu'il s'en souvient pas. Ah, ça c'est pas mal comme anecdote. C'est pas mal, ça démarre bien. Et à quelle époque? Faut surtout pas la raconter, sinon ça fait une vraie histoire. Non mais c'était il y a super longtemps. Mais Arthur, je sais pas si tu te souviens, on était, c'était sur TF1, et je passais comme ça, et t'étais en galère. Et tu m'as dit, ouais, écoute, j'ai besoin d'un co-animateur et tout, écoute, je suis pas en forme, j'ai une petite angine et tout, est-ce que tu peux le faire avec moi? Bon, il s'avère que c'était un pilote et qu'après, j'ai jamais été diffusé. Mais c'est ça l'anecdote que j'avais. Un figurant. Bah, exactement, exactement. D'accord. Eh ben, figure-toi que je m'en souviens pas. Mais c'est une belle histoire aussi, Roland. Bah, là, il y a un lien. C'est plus proche qu'il y a un franchement, c'est travaillé quand même. Ouais, super, Roland. Et tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Moi, je suis cadre en communication. Voilà, t'as réussi, quoi. Ouais. Ça sonne bien, cadre en communication. La classe. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est le seul lien que t'avais avec Arthur? Mais c'est le seul lien. Non, j'ai un autre lien. Et là, c'est un vrai lien. Et le lien, il date de hier soir. C'est que j'ai regardé Qui veut gagner des millions. Et... Bien sûr. Bah oui. Ça, c'est un vrai lien. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. Mais c'était super. Et puis, non, c'était super. La semaine prochaine, il y a une super dernière. Aussi. Hein, voilà. Je vous invite. Bon, je sais, magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Roland, de nous avoir appelés. Merci, Roland. D'autres anecdotes. Pardon, vas-y. Et non, un message plus sérieux, c'est que c'est très important les Restos du Cœur. Je suis très heureux d'être passé. Ah, merci. Il faut soutenir les Restos du Cœur. Il faut regarder le concert annuel des Restos du Cœur. Il faut acheter les CD parce qu'on le dit jamais assez. Il va falloir plutôt verser de l'argent sur le compte en ce moment pour nous aider. Pour les bébés. Dis-moi, tu habites Paris? Pas du tout, Saint-Étienne. Quel dommage, Zach allait t'offrir une coupe. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé, merci, Roland. Merci Roland. C'est déjà la fin? Mais non, il est déjà. Mais oui, il va être 14h. Enfin, moi je reste là. C'est Radio Resto, c'est pas fini. Déjà hein. Là, s'il vous plaît, oui. On cale une date pour un déjeuner. C'est la tradition, parce qu'on c'est la tradition à chaque fois. À Radio Resto, on dit on va faire un déj. Moi, on m'a dit donnez-moi une date. J'ai dit le 12 novembre. Vous avez fait un groupe qui s'appelle Déjeuner 12 novembre. Vous n'êtes pas venu. Non, c'est vrai qu'on l'a foiré. On en est à 142 360 euros. Radio Resto, ça continue. Avec quand même, rappelons la grosse info quand même de ces deux heures, c'est que. Ouais. On va tout faire pour que l'année prochaine il y ait des radios qui nous diffusent. Il y a le groupe Énergie, déjà les quatre radios Nostalgie. On va déjà tout faire pour que d'ici l'année prochaine Gaël ne soit pas viré du groupe Énergie. On protège maintenant. Mais c'est vachement important. Mais c'est oui, vachement c'est important. C'est bien. Non, vraiment bravo Gaël. Vraiment tu as Zach, tu vas faire la barbe de Gaël. Ok, avec plaisir. Zach, tu vois, c'est quelqu'un, il économise. Ouais, c'est vrai. Quand il parle, il est précis. Tu vois, j'ai bien fait de le faire venir. Exactement. Ben, Laurent, merci de m'avoir invité. Merci. C'est toujours un bonheur. Les Restos du Cœur, c'est plus qu'important. Et c'est plus que jamais important. L'année dernière, on est passé à deux doigts de la catastrophe. OK. Et là, plus que jamais, les gens ont besoin des Restos du Cœur. Et là, je trouve que l'initiative pour les enfants est fantastique. Ouais. Donc, continuez à donner, continuez à écouter. Je sais pas qui est après nous, mais ça va être génial. C'est que des filles. Que des filles. Bérégis Bourgueil, Marie-Pierre Chambry, Karima, sa sœur. Mais elle peut rester. Non, Mimi, elle peut rester si elle veut. Ah, bah oui. C'est une émission de meufs. Exactement. Ah, je les adore. Caroline Gilles, etc. Il faut que je les ai toutes connues enfants. Il y a plus de 50 animateurs radio de tous horizons et de toutes radios, et c'est génial qu'ils sont là. Jusqu'à dimanche 20h. Une ampleur énorme de passer sur toutes les radios. Tu vois, ça peut, ouais. Il faudra faire une conférence de presse avec une photo de tous les animateurs radio ensemble. Tu vois, va falloir bosser le truc là. Parce que là, on peut pas. On végète là. On végète. OK. T'as pas fini, mon Laurent. Hein. OK. Bah, on en avait déjà parlé. Oui, je sais. Mais là, ça y est, c'est fait. Grâce à Gaël, c'est le premier. Merci Gaël. C'est trop bien. C'est bravo Manu. C'est le déclic. On s'en va. Radio Resto, ça continue. C'est jusqu'à dimanche 20h. Et c'est Bérénice Bourgueil avec Karim Achani et avec plein de filles pendant deux heures juste après nous. Bravo, passez une belle journée. Radio Resto et merci à toutes les équipes que vous voyez pas et qui font un boulot de dingue. Ouais. Voilà. Et très beau studio. Et donner des sous. D'accord. Pour les petits. Si quelqu'un